c'était pas ça que j'avais. Hey, salut tout le monde et bienvenue à cet épisode 24 de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ça va très bien. Yes. Ouais, ben Nick, ça va pas bien. Ça va correct. Là, On a failli pas t'avoir ce soir. Je suis un homme dédié à la cause, alors je me suis levé puis je me suis dit, ouais, on va faire ça. Mais ça se peut que j'ai une voix un peu plus sexy qu'à l'habituel. Un petit peu comme on avait déjà peut-être Breen LeBeuf ou Jerry Boulet, mais ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps a juste dit, hey, t'as une méga grosse grippe, fait que tu vas rester couché. Fait exact. Mais là, je me suis levé pour vous. Je me suis drogué aux pilules d'antirhum et ça va. Bon, c'est Colin, parfait. Ça. Peut-être que tu vas dire des choses que tu dirais pas autrement. Ouais, tout à fait. C'est clair. Parfait, ça. Malade. Hey, les gars, ce soir, gros show, on parle du E3. C'est tellement important ce soir que j'ai mis mon wristband du Major League Gaming. Oh my God! C'est du sérieux, ça, là. C'est podcast sérieux. C'est quoi ça? C'est le Major League Gaming. C'est pour empêcher que ta main sue sur la souris. C'est quand tu joues au tennis, tu peux t'essuyer le front. Là. À ce soir, il y a beaucoup de vidéos. Quoi, on a bien des vidéos à présenter, fait que je vais m'essuyer le front avec ça. Toute c'est la soirée, vrai, tu vas avoir de l'ouvrage. C'est officiel, à maudit, ouais. Mais comment on fait pour avoir une équipe dans le Major League Gaming? J'en ai aucune idée, je te dirais. Pogner ça au Village des Valeurs. Non. Lui, ça c'est comment avoir le bras. Pour un autre podcast, j'en parlerai. Ah, OK. Chris. Ben oui, il y a un gros saut. Quand je sais pas quoi dire, je lâche un sac quand même. Gros show ce soir. Gros show ce soir, oui. Ben, il y a trois petits points d'introduction. Oui. Je vais faire un petit retour sur l'expo Game On. Mais ouais. On est allé se mettre chaud jeudi, pas de la semaine passée, l'autre d'avant. Ouais, ça fait déjà deux semaines. Donc, c'était la soirée Retro Gaming Papa Cassette. Ouais. Fait que c'était cool. Mario Kart sur écran géant. Toi, tu l'as manqué, Nick. T'es parti avant. Hein. Fallait que je parte avant. Fallait libérer la gardienne. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, c'était cool. C'était bien cool. Moi, j'ai joué. Je me suis fait laver bien raide. Nick Chalifou a gagné. Ouais, c'est incroyable. Oh, il avait dit, il a pratiqué sur moi, en fait. Je peux prendre un peu de ce crédit-là. On a fait Ghost Valley 1 ensemble, puis il m'avait torché. Je pense qu'il est comme invincible à Mario Kart au Super NES. Sauf si tu lances une tortue, ça a l'air, là, parce qu'il disait tout le monde, on se lance pas de tortue, là, on fait le temps. Ça marche comme il veut. Fait que lui, il allait voir tout le monde, du coup, c'est pas contre moi, on lance pas de tortue. Fait qu'en tout cas, Nick, un astérix à côté de ta victoire. En plus, je l'ai déjà vu la semaine passée sur la page de CGVQ en train de revendre son premier prix. C'était quoi le premier prix? C'est comme une... C'était pas une N-Cage? Ouais, exactement. Ouais. La manette avec un écran dedans. Ouais, c'est ça. C'est Nvidia qui fait ça, je pense. Ouais. Ah ouais, OK. En fait, c'est les gens de l'ETS qui géraient la compétition. Ils ont fait un excellent travail. Ouais, on les salue. Puis c'était leur cadeau qu'ils offraient. Fait que c'est super cool. Ben oui. Puis pour le reste de l'expo, il y avait des belles arcades, dont une Pac-Man, comme on se demandait. Ben effectivement. Oui. Les machines étaient bien restaurées. C'était cool. Il y avait beaucoup de... Tu sais, mettons, un Atari Jaguar avec Tempest. Là, j'ai ça chez nous. Il y a beaucoup de ça que les gens, mettons, qui ont un peu de rétro. Ouais, mais le monde normal, là, le monde pas comme toi. Là. Mais le monde les normal. Autres, ils ont pas ça chez eux. Non, c'est ça, c'est cool. Mais tu sais, il y a un Game Boy, puis tu sais, il y a la grosse base, mais il y a une couple de trucs aussi plus weird. Il y a des trucs un peu plus rares, comme même. Un Télé Jogo 2. Ah, c'était quoi ça donc? Je sais pas, c'est une machine qui est accrochée en haut, puis je comprends pas comment ça. Ils ont fait un 2. Il y a eu un 1 qui a été assez populaire pour dire on fait une version 2 de ça. Là. Je me rappelle. Je sais même pas c'est quoi. Là. Mais tu sais, il y avait une section Pokémon, il y avait une arcade de Star Wars, il y avait un petit présentoir avec plein de consoles de handheld. Toutes les sortes. Beau, les Game & Watch. C'était particulièrement beau à regarder. Là, exact. Il y a des affaires là-dedans comme ça, le micro Game Boy. Je pense que t'en as un, Bruno. C'est tellement des beaux objets. Tu regardes ça, les handheld. Il y en avait plein aussi que j'avais jamais vu. Il y avait des affaires japonais. Il y avait les WonderSwan Color, puis etc. Neo Geo Pocket. Mais il y a aussi d'autres trucs weird. Il y avait Oculus Rift aussi, je l'ai essayé. Ouais. Genre de... Mais ça, moi, je connais pas ça. Là, mais il paraît que c'est la première version, je sais pas quoi. Okay. Puis c'était un genre de tour de manège qui va en avant par en arrière, puis à un moment donné, le manège décroche, puis tu t'écrases. Là. Fait que c'était cool, là, effectivement. Tu penches la tête, tu checkes de tous les bords, puis ça étourdit pour vrai. Là. Mais il y a des trucs spéciaux aussi comme Astro Wars, t'as joué cette petite affaire-là, un genre de petite machine, une petite console. Ça, c'est malade, ça. C'était un genre d'Astro Blast, là. Mais une petite console de même. Boîte, c'était très beau. Ouais. Puis, non, c'est ça. Fait que j'étais content d'essayer ça, Oculus Rift, là. Ben, tu sais, moi, je suis pas très gadget, m'achèterais pas ça, là, mais... Il y avait une machine d'arcade Star Wars originale, là. Ouais, c'est ça. Vraiment cockpit, fun, là, que t'embarques dedans. Ça, c'était... Ah, ça, c'est bien fonctionnel, cool. Là. Vraiment une belle machine, là, ah, ouais. Mais c'est le fun que ça soit une exposition, que tu puisses essayer les machines, parce que ça existe pas des expositions de même de ça. Ce qui est fou, c'est que j'ai regardé ça, puis ils ont pas mal de périphériques rares que tu pouvais utiliser, tu sais. Ouais. Tu sais, comme Steel Bataillon, qu'on a parlé, Jeff et moi, qui a été brisé, c'est sûr, puis c'est comme. Ça, il y avait trois manettes en avant de toi, des boutons partout. C'est pas trop bien. Martin a joué quand même, là. Il a essayé de le faire passer, même si c'était marqué que la machine marchait pas. Il a commencé à pitonner, man. Je suis sûr qu'il avait envie de la réparer, là. Il a réparé plein d'affaires, site aujourd'hui encore. Il a réparé mon Coleco aussi. Il est fort. Ah, il est bon. Mais il y avait aussi des manettes spéciales de Ridge Racer. Oui, celle-là que tu twists la main. Moi, elle fonctionnait, pas. Ouais, par c'est ça, tout était rendu magané parce que c'est une couple de bouts que ça run l'exposition. Ils ne pourront jamais remplacer ces pièces-là. Ben non, c'est ça. C'est impossible. Là. C'est ben, ça doit se trouver sur le mauvais côté. Tout est possible si tu as le bidou là, pour t'associer à ça. Là, mais il y avait. Vraiment des belles trouvailles là-bas. Moi, je conseille l'exposition à tout le monde. Là. Elle se termine quand, cette exposition-là? Elle se termine en septembre, me semble. OK. Fait que c'est quand même là pour un bon bout de septembre. Ouais. Dans le vieux port. Ouais, au centre des sciences, dans le vieux port. Et puis, pour les hardcore gamers et collectionneurs, tout ça, vous n'allez pas comme nécessairement redécouvrir là, la vie là-dedans, mais c'est propre, c'est cool, puis c'est le fun, ça vaut la peine. Je pense que ça peut être intéressant en famille aussi, des jeunes pitons sur les trucs. Il y a Punk sur l'écran géant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que moi, je conseille à tout le monde d'y aller. On a eu bien du fun ce soir-là. Fait que voilà, c'était Game On. J'étais, très cool. Je remercie la gang du Centre des sciences de m'avoir impliqué dans le projet. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment cool. GF, toi, t'es allé au ANC. Ouais, j'étais à Toronto la semaine passée, puis j'ai arrêté à ce qu'on m'a dit qu'il était le plus grand magasin de rétro gaming au Canada, à peu près. Ouais. Pour les gens qui connaissent le Game Chasing un petit peu et qui suivent les épisodes des Game Chasers sur YouTube... ça, c'est comme deux d'autres qui font du game chasing, là, dans le fond. Ils sont quand même très populaires. Toute leur vidéo, c'est de 50 000 vues à beaucoup plus. Et puis, ils sont allés, ils ont fait une tournée au Canada, puis ils sont allés là. Puis, avant que tu continues ton histoire, je veux juste dire que quand ils sont allés là, ils checkaient au rez-de-chaussée, il y avait quand même pas mal d'affaires, puis tout. Là, les gars, ils les ont emmenés dans le backstory, puis dans le sous-sol, puis dans un autre genre de building à côté qui leur appartenait. Puis là, il y avait des bacs et des bacs et des bacs partout de jeux. Puis là, ils creusaient là-dedans, man. Ils ont découvert 1000... C'était comme une caverne là, au trésor. Là. C'était malade. Là. Tu regardes cet épisode-là, il y a du stock là, partout. Puis ils ont eu des bons prix, tu sais. Mais là, ben vas-y, toi. Ben là, moi, je suis pas un game chaser dans la vie. J'aime le rétro, puis je collectionne le rétro, mais je suis pas un game chaser. Fait que moi, je fouille pas les rabais. Mais j'en connais assez pour savoir quand je me fais fourrer dans la vie. Ouais. Puis là, c'est une place pour te faire fourrer solidement. Premièrement, tu rentres, puis ça apparaît en carte en haut, c'est marqué ANC, Rare Games and Collectibles. Fait que tu penses que tu rentres dans une place que tout est rare, tout est cher. Là, premièrement, t'as l'attitude des deux vendeurs, là, qui sont, on dirait, des gars qui ont pas été pris pour jouer dans Tokyo Drift, Need for Speed, là, des genre de japonais rad un peu, là, beaucoup trop cool. Là, Ouais. C'est les deux mêmes que dans l'épisode de Game Chaser. En partant, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé leur attitude de comment ils étaient comme gars général. Le magasin est très grand, bien du stock. Moi, j'allais là. C'est-tu tout empilé comme dans l'épisode des Game Chaser? Non, c'est dans des. C'est un peu comme ici au local Papa Cassette. Là. C'est des armoires avec des racks, puis des racks, puis des racks. Ça a peut-être changé depuis les Game Chasers, parce que dans ce temps-là, c'est comme un corridor quasiment, puis il y avait du stock empilé partout. Les gars, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait, tellement il y avait du stock. C'est deux très longs corridors, en fait, puis les pièces du fond, c'est des pièces pour aller gamer, des board games, des trucs comme ça. Puis tu as des places pour essayer tes jeux, ce qui est cool. Moi, j'allais là parce que mon frère a retrouvé sa Sony 4, malheureusement, là, à votre désarroi. Là. Ah, écoute. Puis il m'a dit, tu peux-tu me trouver Mario? Genre, il n'y a rien là, Mario, c'est Mario pas cher. 64, Mario 64. Mario 64, de base, là, qui est vraiment pas cher comme jeu. Je sais pas combien tu le vendrais. 25$. Bon, moi, je l'ai vu à 60 là-bas. J'ai commencé à trouver ça louche, déjà en partant. Une boîte, il était comme complet? Non, il était loose. Là. OK. Il y avait un Super Mario Kart en boîte au Super NES qui vendait 285$. Ah ouais. Ah ben, tous les jeux de NES étaient 20$ en montant. D'hommes, on avait vu des. Je t'ai envoyé des photos, il y avait des jeux d'Atari. Hey, en moi, j'étais assis ici à mon ordi. GF, il me saute des jeux d'Atari en boîte, des beaux jeux 7800, bien propres. Moi, je commence à être bandé, comprends-tu? Je travaille, là, je lâche tout mon travail. Chafeté bien raide. Là, j'ai GF, man. Là, je prends ta photo, je vais dans Photoshop, je hachure avec du blanc tous les jeux que j'avais, puis je veux tous les autres, tu sais, demande les prix. Puis c'était 50$, genre, du jeu, tu sais. Mais là, des jeux 7800, les gars, il y en a genre 2-3 tu sais, 5, mettons, qui valent plus. Là, les autres, là, ça vaut rien. Il y en a plein sur eBay, ça vaut 15$. Complet, même complet en boîte sealed, là, tu sais, parce que les magasins ne réussissaient pas à les vendre avant. Puis eux autres, mènent 50$. Puis c'est pas comme lui, 50$, lui, 10$. Tu sais, c'était 50$. Tout. Ouais. Ça faisait pas de sens. Non, ça n'avait pas d'allure. Ah, man, j'étais tellement déçu. Fait que j'ai débandé vite. Ouais, j'ai dit, laisse faire GF, on retourne camper. Moi aussi, j'ai regardé rapidement. Puis je suis, ouais, on va s'en aller d'ici, c'est pas bien bon les prix. Bonne place si vous cherchez des collectibles puis des items rares comme des collections de verres de Sonic, mettons, il y avait ça, des trucs, des amiibo, il y en avait à pelleter. Puis si vous cherchez des membres pour le casting du nouveau Fast and the Furious, c'est ça. C'est ça. Tokyo Drift 2, il y en a là. Toronto Drift 1. Fait que, ouais, ben, si vous êtes dans le coin de Toronto, allez faire un tour quand même, il y a peut-être moyen de trouver des bonnes choses. Comme on disait tout à l'heure, Dom et moi, probablement que les Game Chasers qui sont allés là, ils ont dit, on s'en vient, on a beaucoup de views, sortez votre meilleur stock, faites-nous des bons prix, on va vous attirer du monde avec la clientèle. Totalement ça. Moi, je suis rentré là comme un client complètement anonyme, puis j'ai vraiment été déçu. Parce que tout le monde dit, Jeff, t'aurais dû aller dans le sous-sol, puis en arrière. Ben, je pense pas qu'il invite tout le monde, n'importe qui, à aller fouiller. Il y avait rien qui indiquait comme, oh, il y a du stock en arrière empilé, vous pouvez aller voir. Là, non, c'est fermé, t'as pas le droit d'y aller vraiment. Là, fait que, exact. Puis j'avais pas le temps non plus de faire ça. Fait que c'est mon aventure au ENC Games. Ben décevant, man. Si vous êtes dans le coin, allez-y, mais faites pas un détour juste pour ça. Je vous dirais. Papacassette.com, c'est bien mieux. J'ai moins de stock ces temps-ci, malheureusement. Ouais, mais tu vends un meilleur prix qu'eux autres. Ouais, c'est ça. Puis parlant de meilleur prix, ça n'a pas vraiment rapport. On voulait. On a reçu des cadeaux, puis ouais, ouais. On voulait remercier. Attends, quelle caméra? Tu peux tous les montrer, sont toutes là en ce moment, là. Regardez ça ici, ça c'est mon cadeau. Mathieu Gélina, cool guy, qui est venu du Japon. De Rétro Nouveau, est allé passer un mois et demi au Japon. Il est allé à genre Osaka, Kyoto, puis Tokyo. Puis il nous a ramené à moi, le GF. Moi, il m'a ramené Donald Land ici au Famicom, qui est un jeu de McDo, qui n'a pas de version américaine. C'est pas une McKids, c'est pas rien d'autre. C'est fait par Data East. Puis c'est un jeu comme unique là-bas. Il a quand même de la valeur. Il l'a payé 20$, puis il l'a vu à Tokyo 40$. Parce qu'il dit, lui, à Osaka, c'est là que c'est cool, le gaming. Tu sais, les boutiques, ils font des rabais, puis il y a le nightlife là-bas, puis ça bosse beaucoup plus. Kyoto, c'est comme, ben, sans insulter les gens de Québec, là, mais tu sais, c'est comme plus propre, là, puis ça ferme tôt. Pis, c'est plus traditionnel aussi. Ouais, c'est ça, c'est plus traditionnel, plus relax. Tokyo, c'est grand, c'est clean, tu sais, mais Osaka, c'est comme... Mais Osaka, il y a pas mal de compagnies de jeux vidéo qui sont situées là. Probablement. Capcom, entre autres, là, qui est là-bas. Pis, ben, d'ailleurs, Akiba's Trip, que j'avais critiqué, dans lequel c'est un jeu dans lequel t'arraches le linge du monde, justement. Là. Ben ça se passait à Osaka, en fait. Ça se passait dans l'espèce de petits micro-cités qui se sont faites avec Sega puis tout ça. Ouais, c'est fait ça. Puis les arcades là-bas, c'est Taito qui mettent une arcade, puis Sega mettent un plancher, tu sais. Ah, vraiment géré intéressant. Par les compagnies. Fait que ça, c'est très cool. Puis Jeff, toi, moi, il m'a ramené un jeu de Yoshi au Famicom. Je vais le montrer à la caméra ici. Wow. Parce que toi, dans un épisode, t'as dit que t'étais Team Yoshi, fait que là, ça y a flashé dans la tête. Ouais, moi, je vais vous dire que mon personnage, c'est Yoshi, fait que vous comprenez pas si moi je joue. Ça finit là, l'ancienneté, là, c'est ça. Mais ouais, c'est le jeu de Yoshi, Yoshi au NES, en fait. Ouais, c'est un jeu de puzzle. Un genre de jeu de Yoshi's Cookie, genre, c'est ça. À la Tetris, là. Un jeu de Tetris, c'est ça. Yoshi's Cookie. C'est un Mario en bas qui switch les plateaux. C'est bon, ce jeu-là, d'ailleurs. Ouais, ben, j'ai l'adapteur, fait que je vais pouvoir l'essayer. Je vous en donnerai des nouvelles. Ouais. Puis il m'a aussi donné MLB The Show 2014 qui prenait la poussière chez eux. Parce qu'il m'a dit que le jeu Adam valait plus cher, fait qu'il voulait égaliser ça là, un peu. Okay, merci bien gros Mathieu. Ouais, merci Mathieu, c'est génial, super Mathieu, apprécié. Puis c'est mon premier jeu Famicom. Moi, j'ai pas de jeu Famicom. Ben ouais. Fait que ça fait beau là. Ben, c'est beau en mode. Puis tous les jeux de McDo que j'ai joués, ben McKids puis McDonald's Treasure Land Adventure Genesis sont bons. Puis j'ai très hâte d'essayer celui-là. Ah oui. Puis je sais qu'il y en a un autre au Genesis, je parle seulement. Et puis, pareil, qui est très bon aussi. J'ai lu ça dans ma Bible du Genesis que je lis présentement. J'ai oublié le nom du jeu. Alors, voilà. On remercie Mathieu. Mais, Cool. Donc, allez-y avec votre critique combinée, les boys, c'est Yes, sir! Yeah. Moi et Nick, on fait une critique combinée. En fait, au dernier épisode, on vous avait parlé de Splatoon, nos premières impressions. Puis là, on va terminer notre critique, en fait, parce que moi, j'ai pu passer énormément de temps sur le multijoueur puis me faire une idée. J'ai pu faire jouer mes enfants, jouer avec mes enfants, Puis aussi passer encore plus de temps avec les Amiibo aussi. Oh. Qui est le truc préféré à Dom. Du temps de qualité, là. De la grosse amis. Qualité sale. Ah, ouais. Bon. Moi, j'ai pu essayer le single player un petit peu plus en profondeur. Oui, bon. J'avais vraiment focusé sur le multi. Oui. Mais fait good, on commence ça. Justement, dans le fond, on devrait partir ça. On a parlé pas mal du single la dernière fois. Ouais. Mais toi, justement, le single, comment t'as aimé ça? Moi, j'ai trouvé ça le fun. T'sais, honnêtement. C'est, j'aime le format, c'est des missions que tu fais, je trouve ça bien fait. Tu as des objectifs, c'est pas si long que ça. Tu vas faire une mission, je sais pas, peut-être un 25 minutes. Oui. Tu vas jouer, tu vas pouvoir la compléter. Les ennemis, il y a quand même une petite variété intéressante. Il y a quand même une stratégie pour tes ennemis, fait que ça, c'est fait, vraiment intéressant. Ce que j'ai aimé, c'est aussi que tu peux débarrer des items, puis c'est différent du multijoueur. Fait que les deux sont pas liés. Fait que tu as une progression single player aussi. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment. Honnêtement, c'est un bon jeu, même juste pour le single player. Ah oui, vraiment. Que, au début, j'étais là, ah ouais, multi, let's go. Mais là, avoir essayé le single player, je dis, ouais, OK, j'aurais acheté ce jeu-là, même juste pour le single, en fait. Puis je vois tellement le potentiel pour un jeu juste de ça. T'sais, vraiment se concentrer sur une campagne solo, là, il ferait un jeu du tonnerre parce que la campagne est vraiment bonne. Mm-hmm. Puis multi, j'ai enfin passé vraiment beaucoup de temps dessus. J'ai finalement trouvé mon bonhomme en multi parce que je jasais pas tout pareil. Disais, non, c'est qu'en fait, en multijoueur dans Splatoon, t'as 4 armes différentes. T'as, Nick, corrige-moi si je me trompe, là, mais t'as comme une espèce de gun qui tire, un peu comme ton tire-poids. Mm-hmm. T'as une mitrailleuse qui lance des plus gros projectiles. T'as un genre de sniper, dans le fond, qui tire puis qui laisse une traînée avec le tir. Puis, tu as aussi un gros rouleau avec lequel tu peux passer puis justement remplir une grande surface avec la peinture. Parce que là-dedans, évidemment, comme dans le multijoueur... Comme on voit à l'écran présentement. C'est ça. Ce qui est le fun dans Splatoon, c'est que contrairement à Call of Duty puis ces jeux-là, ce genre de jeu-là, c'est que là, c'est un jeu de tir dans lequel il faut couvrir la plus grande surface pour gagner. Puis, ça change tellement de choses pour le style de jeu parce que... du coup, t'es pas vraiment... c'est le fun de tirer un ennemi, mais au final, c'est vraiment plus sur remplir le niveau. Puis moi, je me disais, ben on va se tanner de ça, puis à un moment donné, c'est parce que ça va me tenter juste de shooter les autres, là. Ça va me tanner de peinturer. Mais la combinaison des deux est tellement excitante, puis il y a le temps... de jeu est vraiment pas long, là. Ah oui, c'est des 3 minutes, je pense, à peu près. C'est là. Instant, là, tu sais. C'est vraiment, là, tu fais une game, clac, ça finit, puis c'est du temps, déjà. Mais quand est-ce que ça finit, ça? Comment on fait pour gagner? Il y a un temps, puis une fois que tu es arrivé à la fin du temps, celui qui a le plus de pourcentage de peinture qui gagne. Okay. La carte s'ouvre, puis là, il y a une espèce de gros chat qui est là, puis il va pencher d'un bord ou de l'autre. Ouais. Okay. Puis, tu vois la carte, tu vois de la peinture un peu partout, tu vois un terrain d'ensemble, puis même toi, t'as de la difficulté, t'es comme, c'est-tu moi qui gagne, c'est-tu l'autre équipe, t'es pas sûr, puis finalement, c'est toi, t'as comme un pourcentage vraiment précis qui fait que ton équipe a gagné, puis ce qui est le fun, c'est que tu vas accumuler des points dépendant de la surface que t'as couvert, puis du nombre de monde que t'as tiré, puis ce pointage-là va t'aider... à justement gagner plus d'argent, gagner plus de points pour monter de niveau. Il est là, le chat. Ouais, il est là, le chat. Il est malade. La musique, tu sais, de Splatoon, en plus, il est vraiment drôle. Oh, il est bien classe. Ouais. Ça, c'est le rouleau que... Mais c'est ça, justement. Moi, je suis devenu un joueur de type rouleau. Là. J'ai tout essayé les classes. Le sniper, je l'aimais vraiment beaucoup. Ouais. Mais dépendant des cartes, je me faisais tellement clencher. Là. Ouais, mais tu sais, le rouleau, moi aussi, je l'aime beaucoup. Là. Le rouleau, il est le fun parce que tu sais que même si t'es avec une mauvaise équipe, toi, tu peux faire la job de peinturer. C'est exactement ça. Le rouleau, il te permet de revenir de l'arrière. Fait que quand tu joues avec du monde que tu connais pas nécessairement, le rouleau, c'est comme une valeur sûre. C'est toi, tu vas pouvoir peinturer comme un malade pendant que le monde se tire dessus. Moi, j'ai bien aimé les paintball de gun, là, dans un sens. Ils sont le fun. Puis il y a toutes sortes de techniques que tu peux faire avec tes armes secondaires. T'sais. Moi, j'ai vu un gars, tout ce qu'il faisait, il campait à quelque part. T'sais. Il se cachait dans sa peinture. Puis là, tu sais, il y avait une mitraillette assez puissante. Puis là, il t'envoyait genre une espèce de truc qui spray partout, tu sais. Ouais, c'est là, comme un sprinkler. Ouais, c'est comme un sprinkler de peinture. Là, tu te retournes là-bas, tu checks ça, tu dis, What the... que c'est ça? Là, pendant ce temps-là, lui, tu sais, puis il refait ça tout le temps. Là, c'est comme... Mais c'est efficace dans un sens. Mais c'est génial, ça. Parce que, tu sais, quand tu meurs à Splatoon, tu meurs pas longtemps. C'est pas un respawn time. C'est quasiment instantané. Oui. Tu repars, mais sauf que, tu sais, ça t'empêche de progresser dans la map. Lui, oui. Il campait un point où il y avait beaucoup de surface à couvrir. Oui. Tu sais, il bloquait vraiment l'accès, là. Fait que, tu sais, il y a différents types de gameplay que tu peux faire, là. Non, puis en plus, ce qui est génial, c'est que quand tu respawns, t'as ta carte sur ton gamepad, puis tu peux taper sur un de tes amis dans ton équipe pour aller proche de lui. Fait que ton espèce de pieuvre, elle va partir, puis elle va se rendre direct à lui, ce qui fait que ça accélère tellement le rythme du jeu. Fait que t'es dans l'action tout de suite, t'es mort. Tout le temps. Tout de suite, tu retournes dans l'action. Fait que, puis ce qui est bien, c'est ça dit où tu vas atterrir. Fait que, tu sais, pour l'ennemi qui t'a tué, au moins, il voit un petit peu où c'est que tu t'en viens. Fait qu'il y a un avantage de lui aussi. Mais non, plus ça avance, tu débarres aussi, tu sais, tu débarres des attitudes qui fait que, bon, mettons, justement, ça va dire, ben quand t'es en dessous de la peinture, là, les gens peuvent pas te voir. Là, après ça, tes coéquipiers vont pouvoir savoir ta position. Tu vas pouvoir voir les ennemis sur ta carte. Tu débarres tout le temps des affaires, puis c'est ce qui fait que tu reviens tout le temps, en fait, parce qu'il y a pas grand-chose dans ce Splatoon. Sérieusement, c'est peut-être un des plus gros points faibles pour l'instant, en fait, parce que Nintendo a annoncé qu'elle allait sortir du contenu régulièrement. Ouais. Mais, tu sais, pour l'instant, il y a à peu près, quoi, 4 cartes, je pense, au total. Oui, c'est ça. Mais il y a une rotation qui se fait. Tout à fait. Tu peux pas tout le temps les jouer. C'est pas toi qui choisis. Non, en fait. Nintendo a fait ça intelligemment. Quand t'as pas beaucoup de contenu, tu sais, tu le contrôles dans un sens. Fait qu'une journée, c'est 2 cartes qui sont disponibles en multijoueur. Puis le lendemain, mettons, ça va être 2 autres. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant. Oui. Tu sais que tu vas faire ces games-là. C'est sûr que c'est vraiment à partir du moment où tu débloques des nouvelles affaires, là, tu vas les essayer dans les games. T'sais, vu que c'est rapide, ça va super vite. Ben oui. Moi, j'ai débloqué le Zapper. Je sais pas, il y a un add-on gratuit cette semaine. Ben oui. Malade. C'est le Zapper, puis il est quand même vraiment le fun. C'est un petit gun à peinture. Là, il est rapide, beaucoup de débit. Mais il est beau, tu sais, puis vraiment du style. Mais, non, puis en plus, ton linge, dépendant de comment tu t'habilles, ça va te donner d'autres habiletés. Ouais. Ça, c'est vraiment cool, que c'est pas juste le look. Ah, tout à fait. Il y en a, tu vas dire, tu vas recharger plus vite ta bonbonne d'encre. Il y en a, tu vas marcher plus vite. Plus de puissance. Fait que tu sais, c'est du look pis des stats. Exact. Puis pour une fois, la communauté sert à quelque chose parce que t'as des personnes qui sont là dans ton espèce de hub, dans ta ville. Tu vas pouvoir aller les voir pis faire comme « Hey, il est cool son kit, puis lui, il peut faire ça. » Mais tu peux le commander pis t'as un gars louche dans Ruelle qui t'attend. Sérieux? J'ai pas essayé ça. Oui. Ouais. Il y a un gars louche qui est dans Ruelle. Puis là, tu t'en vas le voir, puis il est comme, il y a des spikes, il est tout croche, puis là, c'est comme, hey, ça, je trouve ça vraiment cool, je veux le commander. Correct, viens me revoir dans 2 jours, je vais recevoir ton stock. Sérieux, parce que j'ai vu c'est littéralement un pusher dans un jeu pour la famille. J'ai vu du monde se promener, puis j'ai regardé leur stock, mais je savais pas que tu pouvais les commander. Oui. C'est dommage. C'est comme, tu check la personne, puis là, tu fais commander. Puis là, après ça, il faut que tu ailles voir le pusher, puis lui, il va faire comme « Ah, désolé, je l'ai pas reçu, viens me revoir demain », tu sais, puis des fois, ça y prend du temps. Ouais. Puis là, il finit par recevoir ton affaire, mais tu sais pas le prix tant que t'as pas été voir ton pusher, puis peut-être qu'il va te fourrer solide, là. Moi, il y a une affaire que j'ai commandé, ça coûte 30 000. Oh, OK. C'est une tuque, tu sais. C'est cher en tabarnouche, là, pour... C'est vraiment pour cher, les dollars Splatoon, là. Fait que... C'est ça. Puis c'est ça, c'est en fait aussi pour parler des Amiibo. Les Amiibo, ce qui est intéressant, contrairement aux autres jeux où les Amiibo vont juste te débarrer un skin, là, tu mets le Amiibo. Moi, j'avais le garçon. Ouais. Puis, tu le mets sur ta machine. Puis, au moment où tu le mets, ça débarre les défis. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que tous les niveaux que tu as fait dans le single player, la machine te les fait faire, mais avec une autre arme ou avec des conséquences et tout ça. Ça a l'air vraiment poche puis facile comme sortie, mais faire le niveau avec un rouleau à la place d'un gun, c'est complètement autre chose. Ah ouais. Ça change le tableau complet. Fait que c'est super le fun au final. Ouais, puis les 3 Amiibo ont des défis différents. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ils vont te faire débarrer quelque chose aussi que tu vas pas utiliser en multijoueur. C'est le fun, ça. T'sais, honnêtement, là, à date, là, ça avait jamais été vraiment la grosse affaire. Mais ça, c'est là, comme ça du, y est. Là. C'est comme du DLC. Moi, c'est ça que je veux pour les Amiibo. C'est du DLC. Fait que dans le fond, tu l'as payé, mettons, il y avait des bundles. Tu aurais pu acheter le kit avec les Amiibo. Mais mettons, tu achètes ton truc, là, c'est comme 15$, tu as une belle figurine, puis tu as ces niveaux-là. Fait que c'est un DLC. Ouais. Mais là, enfin, ils font quelque chose qui a de l'allure. Là, fait que là, ils s'en vont quelque part avec ça. Vraiment. Ça a pris du temps un peu, mais je trouve. En tout cas, on va trouver leur chemin. Ils viennent, mais c'est après d'en avoir sorti 50, à un moment donné, on figure. Il y en a bien un qui va faire la job. C'est ça. Ouais, fait que c'est un bel ajout pour ce jeu-là, vraiment. C'est un très bel ajout. Dedans, ça marche. Puis moi, je voulais parler des côtés négatifs, parce qu'il y a quand même des côtés négatifs, à mon avis, dans ce jeu-là. La première affaire, qui est, à mon avis, la plus importante, t'as pas le choix de jouer avec le gamepad quand t'es en single player. J'ai essayé de jouer avec le Pro Controller. Tu peux pas. Tu peux jouer avec le Pro Controller si tu joues à deux, un contre l'autre, mais sinon, c'est impossible. Fait que si ta manette est morte, ben branche-la, parce que sinon, tu peux pas jouer à Splatoon, littéralement. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dommage, parce que, je veux dire, à un moment donné, ça aurait été le fun qu'on puisse jouer d'une autre façon avec d'autres manettes, parce que ça fonctionne aussi. Tu peux jouer aussi avec le Wiimote puis le Nunchuck. Puis, j'ai aussi trouvé plate que on ne puisse pas jouer seulement avec le gamepad. Il est arrivé souvent que j'aurais aimé farmer pendant que ma blonde écoutait ses émissions. Puis c'est impossible de jouer juste avec le gamepad. Barbecue Pitmasters. Dans le fond, c'est la carte que tu affiches là-dessus. Ouais. Fait que tu sais, je veux dire, c'est une grosse. En tout cas, en multijoueur, du moins, tu aurais une grosse perte là, de ce que tu devais faire là, dans un sens. Je comprends. Mais tu sais, la carte, le single player peut-être. Ça me dérange. Non, mais même pour le multijoueur, je serais prête à laisser de côté la carte pour pouvoir jouer comme ça, tu sais. Je sais que, bon, c'est pas exactement ça, l'expérience. Ouais, ouais. Mais, tu sais, c'est parce que ça ajouterait beaucoup. Puis c'est un jeu dans lequel... Faut-tu y mettre du temps à Splatoon si tu veux le trouver le fun? Là. Si tu joues à ça pendant une heure, puis tu fais comme, moi, j'ai fait le tour. Non, t'as rien vu, là. Ouais, tu comprends ça, rien. Tout à fait. Fait qu'il faut que tu augmentes en niveau. Tu sais, juste le jeu, le multijoueur, avant le niveau 10... C'est un style de jeu, puis après le niveau 10, t'as un autre type de tableau qui arrive, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que tu y mettes du temps. Fait qu'il y avait ça que j'ai moins aimé. Le fait que c'est vraiment des matchs qui sont choisis pour toi, je trouve ça le fun, mais en même temps, si t'es un newbie, tu peux te retrouver dans des matchs contre du monde qui sont au niveau 18, même si t'es au niveau 5. C'est sûr que, bon... tu fais tes classes, puis là, tu sais, tu fais ton... Mais moi, il m'est arrivé pendant une soirée que je me retrouvais tout le temps avec les losers, genre avec le monde qui était de bas niveau, dont je faisais partie. Sérieux, moi aussi, j'étais un loser. Puis j'avais des gens des 20, 19, 18 qui étaient dans l'autre équipe. Puis on se faisait laver, là, tout le temps. Parce que moi, ce que j'ai expérimenté, c'était plus... ils balançaient les lobbies puis les kings là, genre mais mettons moi plutôt on est niveau 2 niveau 19, il y a deux niveaux 19, ben, il faisait 1-1-1-1 dans ce que j'ai vu, mais moi c'est ça, il y a eu des débalancements de même que j'ai vraiment c'est pas juste, moi je l'ai pas expérimenté, contrôlent ça. J'aimerais quand même qu'on me donne, en tant que consommateur, l'option de cocher, admettons, je veux juste être avec du monde qui sont jusqu'au niveau 5, admettons, ou jusqu'au niveau 10. Tu sais, juste ça, c'est pas grand-chose, là. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, genre d'un point de vue technique, là. Ouais. L'avantage, c'est que moins tu segmentes ta population là, qui joue en ligne, plus facile ça va être de trouver un match. Fait que je suis d'accord, là, tu sais, le point de vue, mettons, facilité... Tu vas accéder à un match vraiment comme ça, instantanément. Ouais. Ah, c'est versus, rapide, là, c'est tout de suite. Si tu veux avoir plein de sélections de juste ces niveaux-là, etc., ça serait ça plus long. Disons que pour l'instant, ça fait une grosse différence, mais dans 2-3 ans, quand il va y avoir moins de monde qui vont jouer au jeu, avoir ces options-là, ça fait que, tu sais, des fois, tu trouves personne. Fait que là, je pense qu'ils ont été plus pour le long terme. Nous, en tout cas, à l'époque, on faisait des choix spécifiquement comme ça là, pour le matchmaking. Là. Mais je comprends qu'aussi, en même temps, quand t'es lobby, c'est quand tough, tu commences, en fait, je trouve que c'est un jeu qui est cruel. Ouais. Les 5 premiers niveaux, là, si t'as pas joué la première semaine, ils vont être durs à grinder. Ouais, à partir du moment où tu peux pogner le rouleau, je pense même niveau 3 ou 4. Là, ouais, rouleau, niveau là. 4 que tu peux le pogner. Là, ça... Tu peux contribuer au jeu même si t'as pas tout le dernier swag. Ouais. Là, pis, Mais non, c'est ça. Ça a été pas mal les plus gros irritants parce que sinon, en multijoueur, bon, c'est un détail, là, mais les deux filles qui annoncent tout ce qui va se passer. Là, moi, je l'ai mis comme un irritant. Je suis plus capable. Je suis vraiment écœuré de les entendre. Ils donnent les nouvelles, c'est ça. Hey, calique. Puis tu peux pas les skipper. Non, c'est ça. Ils disent ça, c'est les maps disponibles. Puis genre, hey, wow, stay fresh. Ouais. Ou admettons, okay, c'est drôle les 5 premières fois, mettons. Là, à un moment donné, t'es comme, non, skip, mais ça marche pas. Puis t'es dans une bonne ride, tu sais, de multijoueur, puis tu joues, puis t'es comme, yes, je gagne. Et maintenant, les actualités. Quoi? Puis là, ça passe. Yeah, let's play! C'est comme calique! Ouais, là, ça recommence avec ça. Puis c'est. Tu sais, sont inintéressantes, sérieusement. Là, c'est, ben, t'sais, c'était drôle au début. Comme j'aime les personnages. La première game, j'ai trouvé ça bien le fun. Mais j'aimerais ça pouvoir les skipper. Je suis d'accord. C'est un petit irritant, là, quand même. Là, on devrait toujours pouvoir skipper ces affaires. On devrait toujours. Ouais, ouais. Tout accélérer, skipper, en fait. Au moins l'accélérer. Ouais. J'ai lu plus, tu sais. Je veux même plus. À la limite, je veux plus voir les maps non plus. Je veux avoir la surprise quand je rentre dans le hall de qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, ça me tente pas de savoir à l'avance. T'sais, tu vois, moi, j'ai un des petits irritants que j'ai trouvé, c'est une fois que tu es dans le loading screen, le matchmaking screen, c'est-à-dire quand tu vois c'est qui tes opposants tes compagnons, dans le fond, j'aurais aimé pouvoir changer mes armes dans cet endroit-là pendant que j'attends que quelqu'un rentre. C'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate parce que là, je suis pogné en mode attente. C'est sûr qu'ils ont mis un minigame qui est quand même le fun. C'est une petite. T'es comme un petit. T'es comme un calmar qui saute. Ça passe le temps, mais j'aurais. On va être honnête, je me suis tanné quand même. Là. C'est... Ben moi, je m'attends. Là, c'est rendu que je sors mon téléphone puis je m'en checker mes tweets pendant que j'attends. Je m'attends pas, je sais pas comment on peut battre un record. Il n'y a rien qui dit que c'est. Mais j'essaie d'avoir des meilleurs points. Là, mais je veux débarrer les autres jeux, en fait. Il y a d'autres jeux qu'on peut débarrer. Ouais. Là, fait que ça va être plus intéressant. Mais l'affaire, j'aurais aimé, vu que je pouvais changer mon gun ou, tu sais, genre. Tu sais, mon swag ou n'importe quoi. Bon, regarde, ils l'ont fait demain. C'est pas la fin du monde. Tu sors de la game, tu vas changer puis tu reviens. Hein? Mais ça aurait pu être le fun pour passer le temps. Là, c'est ça. Puis dans les irritants, moi aussi, en multijoueur local, c'est un jeu auquel on peut juste jouer à deux. Ouais. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il y a vraiment de la place pour qu'on puisse jouer à quatre. Fait que c'est ça, je trouve ça plate. Je veux dire, ça serait facile d'ajouter ça, en bleu, fait. Four screen, fait que c'est ça. Ouais. Ben, toi, t'avais-tu d'autres choses, là-dessus? Non, pas les irritants. Le reste, vraiment bien. Les contrôles sont tight. Puis on s'habitue vraiment bien au gamepad. Puis moi, j'ai eu une très belle expérience avec ce jeu. Ah, je suis complètement accro. J'étais supposé commencer The Witcher. J'ai jamais commencé. C'est trop le fun. C'est un gros projet, ça. Ouais. C'est un méchant gros projet. Un jeu sans heure. Ah, ouais. C'est ça. Mais je suis content que ça soit un succès, moi, ce jeu-là. Parce moi aussi. Tu sais, même si j'ai pas de Wii U, je souhaitais que cette nouvelle franchise-là, c'est juste du nouveau, tu sais, c'est innove, là. Il essaye, puis bang, c'est un succès. Mais je suis content. Yes. Je suis content parce que justement, on attendait ça de Nintendo. Puis garde, là, moi, ça m'a pas déçu. Là, fait que, vraiment pas. Honnêtement, ben, les critiques sont bonnes aussi. Partout, Les critiques sont super bonnes partout. Puis tu sais, malgré le fait, il y a des irritants. Ouais, ils vont tout arranger ça. C'est ça l'affaire. C'est que c'est toutes des choses qui peuvent arranger. C'est pas des game breakers non plus. Fait que sérieusement, là, c'est un méchant beau départ. Fait que c'est ça, tous les deux, on a décidé la note conjointe de 4 sur 5. Exactement. 4 étoiles. Sérieusement, t'as une Wii U, achète ça. T'as pas de Wii U, achète Splatoon avec la Wii U. Il y a un bundle. Puis même la boîte de fun, il y a des taches de peinture dessus. C'est le premier jeu que moi, je dirais, achète les Amiibo. C'est vraiment un bon investissement, les Amiibo, pour ce jeu-là. C'est le DLC, en fait. C'est ton season pass, man. Tout à fait. C'est vrai. Fait que, très, très, très, très bon jeu. Ouais. Et toi, Dan, t'as joué à quoi? Hey, Out of Nowhere, je pensais pas parler de ça, mais je me suis téléchargé The Angry Video Game Nerd Adventures. Mario a fait la critique. Il est sorti sur 3DS. Exact. Et puis, ça vient de sortir sur 3DS, right? Ouais. Ça fait genre une semaine. Sur Wii U avant, je pense. C'était sur Steam aussi. Sur Steam, Wii U. Mais moi, j'y avais pas accès. Puis là, wouhou, ils le font. Hey, j'étais vraiment content. Fait que je le télécharge. Je me dis, je vais le faire un petit peu plus tard parce qu'il y a un jeu de DS que je veux finir. Ça fait comme 2 mois que je vais en parler. Puis j'arrive pas à le finir. Ah oui. Fait que je m'embarque là-dedans pour le fun. Puis finalement, je suis comme addict ben raide. Puis je suis comme clenché ça ben comme faut. J'ai bien aimé. C'est un platformer 2D, rétro, pixel style. Vraiment tout ce qu'il y a de plus platformer. Et puis, ça, c'est le trailer que tu nous mets là. Oui, en vrai, c'est le trailer. Okay. Mais après, ça, c'est du gameplay. Hey, c'est méga man, ça, c'est. Regarde, là, c'est Silver Surfer mélangé avec le background de Mega Man 1. Ah ouais. Là, il y a des affaires de Mario. Son gun, c'est un zapper. C'est ça, tu te promènes, t'as un gun, puis tu peux tirer dans toutes les directions. Puis. La lune de Majora. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, des références à des. Des clins d'œil, man. Écoute, ça blink, ça clignote des yeux sans arrêt. C'est juste des clins d'œil. Mais c'est aussi des références aux épisodes. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Il y a des personnages. qui apparaissent. Mettons, Pat de NES Punk. Ouais. Il est là, à un moment donné. Okay. Tu faut que tu le trouves dans un coin. Puis là, il fait une petite référence à un épisode qu'ils ont fait ensemble. Il dit « Hey, man, t'as-tu trouvé mon Championship World Nintendo Championship Gold? » « Ah, ta gueule, Pat! » Puis là, il donne de la bière et des guns, puis tu peux continuer. Okay. Et puis, tu peux débloquer des personnages aussi en fouillant un peu. Tu peux avoir le gars qui joue de la guitare là, ouais, dans l'intro. Il est en squelette, là, ça a rapport à ses épisodes aussi. Donc, tu débloques, okay, ce gars-là. Et puis, tu peux débloquer Mike. Ça, je vais en parler tantôt. Là, tu peux débloquer Mike, son sidekick, là, Mike Matei. Okay. Puis, ils ont chacun leurs skills. Mettons, le gars qui joue de la guitare... Il joue de la guide pour attaquer, puis ça passe à travers les murs. OK. Puis Mike a une épée laser, lui, puis il peut voir les passages secrets. C'est quoi, okay, le rating de cette affaire-là? Parce que ce que je vois à l'écran... C'est 17 ans et plus. Okay. J'avais pas regardé ça. Ben là, on peut en parler d'abord. Ça, c'est-tu l'autre gameplay, Jeff, que t'as parti? Ouais. Ah, OK, ben c'est ça, on va en parler. Regarde, passe-en. Il y a genre 8 niveaux. 8 niveaux. Ils sont chacun très différents. Celui-là qu'on regarde présentement, c'est un hommage au jeu Sex qui a été sur Atari, genre Custer's Revenge puis X-Man. Fait que là, il y a des queues partout. Tu sautes sur des tontons, man. Il y a des gars qui dansent tout nus. Il y a des... man, c'est juste là du gros... Il y a des battes qui sortent du sol comme des pics, là, tu sais. Il faut pas que tu leur touches. Hey, c'est incroyable. Ils ont beurré à peine, là. Ah oui. Puis le boss de fin de ce niveau-là... C'est comme dans Custer's Revenge, c'est-à-dire qu'il y a comme une fille là, okay, attachée au cactus, puis il y a le gars qui te shoot là, du sperme ou whatever avec les flèches qui tombent du ciel. Ah, il faut que tu le tires. Ouais. Fait que c'est... Ils ont repris ça totalement. Ça, c'est très drôle. Puis là, vous voyez aussi à l'écran ce qui apparaît, des genres de petits blocs de tête de mort. Ouais. Ça, je te dirais que c'est l'ennemi numéro un dans le, okay, jeu. Là. Quand tu touches à ça, tu meurs d'un coup. C'est là dans tous les niveaux? Dans tous les niveaux, okay, il y en a. Puis il y a même... il y a un niveau qui est comme une maison hantée, puis je te dirais qu'il est pas mal tout bâti avec, okay, juste ça. Là, okay. Fait que Mario, il disait dans sa critique, puis je trouve qu'il a bien raison, il y a une surutilisation de ces blocs-là. Okay, c'est comme, ouais, une façon... C'est comme une façon simple de rendre un niveau difficile. Ouais. À un moment donné, il aurait pu mettre autre chose à des places. J'avoue. Mais bon, il y a quand même tellement de stock dans chaque niveau que c'est quand même pas si pire. Il y a un autre niveau que c'est Castlevania. Okay. Donc, un autre que ça ressemble un peu à Mega Man avec des beams un peu partout. Okay. Les échelles de Mega Man, d'ailleurs. Oh, oui, c'est ça. Il y a un niveau que c'est fantasy, comme on a vu tantôt, un peu avec des licornes partout, oh, ouais, du crémage puis des étoiles. Justement, il y a du crémage à terre dans ce niveau-là de sexe qu'on voit. Là, oh, oui. Du petit blanc. Là, Il se gêne pas. Oui, regarde, il y a du sperme partout à terre. Ah, c'est l'enfer. C'est mais justement, tu penses-tu que quelqu'un qui connaît pas pantoute la série pourrait s'intéresser au jeu? Oui, totalement. Si tu connais la série, tu vas juste faire « Ah, Chris, ils ont vu cette affaire-là. » Mais si tu n'as jamais écouté ça de ta vie, tu vas quand même avoir un excellent jeu avec, okay, toi. Parce que les contrôles... C'est sont... ça que j'ai demandé. Les contrôles sont excellents. Okay. Là, regardez à l'écran, ça, à un moment donné, tu tues un requin, t'embarques dessus, puis tu chaudes du laser. Un requin avec des lasers. Cette bout-là, il dure pas assez longtemps, man. J'aurais pris un jeu complet, rien que de ça. Là. C'est une folie. Là, wow. Puis, ton non, énergie, c'est des bouteilles de bière. C'est des bouteilles de bière Rolling Rock. Ça fait référence à son épisode. Ouais. À son show. Puis c'est ça, les contrôles sont excellents. Ouais. Si les contrôles avaient été mauvais, ça aurait été une catastrophe, ce jeu-là. Ben, c'est parce que quand il a annoncé qu'il ferait un jeu, j'étais comme... Ouais. Mais quand il a annoncé le jeu, il a dit « Ah, c'est des cheap devs partout, puis c'est pas juste, puis ça va être horrible. » Puis il a même fait un épisode pour parler de tous les jeux Angry Video Game Nerd qui existent, parce qu'il y a plein de fan-made. Mais ça, c'est un vrai jeu qui a été sorti. Puis moi, je me suis dit, ça va être dégueulasse, ça va être injouable, c'est sûr, parce que ça sera pas juste. Fait que j'ai commencé à Easy, puis je l'ai passé, man, assez facilement à Easy. Okay. À Easy, t'as tout le temps des vies, fait que quand il y a des checkpoints partout, dans le niveau. Fait que c'est tout le temps, chaque niveau est découpé en petits morceaux. Fait que quand tu meurs, tu recommences pas trop loin. Parce que, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Si tu recommençais au début du niveau, man, ça serait fuck that, je joue pas à ça. Donc c'est un challenge, mais tu sais, tu l'apprends par cœur, là, le niveau. Ouais. Donc, à Easy, c'est ça. Puis t'as 6 life, puis ton gun, il fait plus mal. OK. Fait que j'ai fini le jeu assez facilement, là, je te dirais, à part le dernier niveau qui est vraiment dur. Ouais. Mais encore une fois, t'apprends le pattern. Et puis là, j'ai commencé à jouer à Medium. Ouais. Ça, t'as 30 vies, ton gun, il fait moins mal, puis t'as 3 life. Donc, moi, je me suis dit, 30 vies pour finir le jeu, hey, c'est tough en Christ, ça. Ouais. Mais non, c'est 30 vies par continu. Okay. Fait que si tu peux, dans le fond, tu peux prendre tes 30 vies par niveau. Là, ouais, ouais. Donc, il y a un niveau là, de la maison hantée, justement, où est-ce que tout disparaît puis réapparaît. Il y a des blocs de la mort partout. Ouais. Man, là, je suis en train d'essayer de le faire à normal, puis il me reste genre 8 vies, puis je suis pas au boss encore. Donc, c'est pour dire là, que tu meurs tout le temps. Mais c'est pas frustrant, tu sais. C'est comme, ah, man, je l'ai échappé, ça. On recommence tout de suite. Ouais. Ça recommence tout de suite très, très. Il n'y a pas de loading. Pas de loading, pas de niaisage. Donc, ça, c'est bien fait pour ça. Et puis, quoi d'autre? Ouais, j'ai été déçu de la musique. Ouais. Je m'attendais à ce que, tu sais, ça soit de la musique rétro-épique, là, vraiment malade. Mais non, c'est comme assez générique, là, je te dirais. Ça m'a déçu pas mal. Il y a des personnages, comme je disais. Tu sais, il y a Jim de Destructoid. Mm-hmm. Puis le petit robot de Destructoid. Il y a de Shit Pickle aussi. Okay. Il faut que tu le vois, faut que tu le trouves dans tous les niveaux. Puis ça unlock le Shit Pickle Achievement. Ce qui fait que ton zapper peut avoir une autre couleur. Ah, cool. Tu peux pogner un scope aussi. Le gun scope. Du Super NES, le bazooka. Ouais. Fait que ça tire plus. Ça, c'est bien intéressant. C'est ça. Il me reste un personnage à débloquer que j'ai pas trouvé. Il est caché quelque part. Je l'ai pas vu. Okay. Il va falloir que je fasse mes recherches un peu. Fait que moi, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ça. Puis tu vois, je l'ai fini. Puis j'ai recommencé. Puis j'ai comme le goût d'y donner sa go. Là, tu sais, parce que là, je suis meilleur. Au début, man, tu meurs là, tellement. J'ai fini la première shot. Puis je pense que je suis mort 350 fois. Okay. Total. Okay. Fait que ça m'a pris 350 vies. Pas si pire, là. Mais à Easy, c'est ça. Tu peux comme juste gonner puis passer au travers des bouts de tough à un moment donné parce que t'as assez de vie pour le faire. Ouais. Mais quand tu joues à Medium, t'as juste 3 life, là, c'est OK, là, je vais prendre mon temps. Puis t'évalues, puis tu sautes où, là, tu sais. C'est du platforming, là, assez tight, là, des fois, là. C'est un petit bloc, puis niaise pas, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça coûte 10$, ce jeu-là. OK. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Parce que c'est drôle en crise. Puis il dit plein d'affaires là-dedans. T'as joué sur la 3DS? 3DS. Y a-tu une option 3D dessus, le jeu? Il y a une 3D. Il y a Kevin Doré dans le chat qui demande si c'est décevant, le 3D, ou si ça fait la job. Ça change pas le monde. Ça fait rien, vraiment. Mais ça fait... Ben, tu vois une profondeur. Tu vois une profondeur. Il y a une profondeur qui s'installe, qui est le fun, comme tous les jeux de 3D, 2D qui font avec du 3D dedans. Ouais, là, t'sais. Ouais. Mais il n'est pas exploité. Il n'y a rien qui se passe dans le background. Là. C'est juste... C'est pas comme Shovel Knight, admettons, là, parce que la 3D dans Shovel Knight était quand même pas pire. Là, le fond était détaillé, puis t'avais quasiment comme trois niveaux de profondeur. Ouais, des niveaux qui se croisent. L'animation, là. Puis... Ouais, non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, achetez pas ça pour avoir une expérience 3D. Là. Vraiment pas, puis c'est pas du tout nécessaire. Non, non, non. Mais moi, je trouve que pour 10$, t'en as pour ton argent, puis c'est le jeu du Angry Video Game Nerd. Sérieux, je m'attendais à ce que ça soit... C'est quand même un achievement, ça, pareil, là, qui est sorti. Ah ouais, mais je m'attendais à ce que ça soit injouable. Là, puis c'est très jouable, quand même, puis c'est même bien le fun, là, t'sais. Okay. Pour les gens qui sont comme... Tu sais, j'ai jamais joué à Super Meat Boy. D'ailleurs, il vient de sortir pour Vita, je pense. Il sort sur Vita bientôt. Si, ouais, je capote. Oh, yes. Paraît que c'est genre super dur. Mais moi, j'aime ça, les platformers 2D très durs. Ouais, c'est tough, Super Meat Boy. Fait que lui, c'en est un, puis il est drôle, puis il coûte 10$, ça vaut la peine. Donc, moi, je donne un 3.5. C'est ça bon, peut ça? Pas être bien plus que ça. Je dirais entre 3 et 3.5. Parce que c'est pas un jeu innovateur du tout. Ça change... Ça révolutionne pas le genre. Ouais. Ben, c'est juste un jeu pour le fun. Classique dans le fond, c'est un jeu pour le fun, bien fait, qui se contrôle bien, puis c'est comique, puis c'est drôle. Puis ça vaut la peine. En plus, je sais parce qu'il est dans mon watchlist sur Steam, puis il tombe régulièrement genre à 3,50 spécial sur PC. Ouais, il doit pas être PC, cher là, sur PC, là, effectivement. Juste à plugger une manette qui a de l'allure, puis ça vous fait une expérience. Exact. Pas cher. Parfait, ça. Moi, je recommande ce jeu-là. Nice. Cool. Yes. Good. All right. Fait que sur ce, on va prendre une petite pause. Oui. Et puis après ça, c'est notre super E3 Extravaganza. Yeah. Yes. Où on va parler de tout ce qui s'est passé dans les deux derniers jours. Et ceux qui nous écoutent en direct, je vous invite à rester à l'écoute pendant la pause parce qu'on a dynamisé la pause cette semaine. Ah oui. Okay. Allez voir ça sur YouTube. Ouais, magnifique. On s'en va en pause et on vous revient. Et on s'excuse pour le sautillage. Yes. Occupé, mais c'était quand même un beau treat. Ouais, vous êtes gâtés, les fans, présentement. Vous avez droit à des publicités rétro maintenant pendant les pauses. C'est malade. On va corriger le petit jerk qu'il y avait, le petit social. On va souffler dans la cassette VHS, c'est ça qui était notre source. Je vais racheter mon tracking. Là, ouais, puis, le tracking bon. Marche pas. Avant les fun facts, Bruno, tu as quelque chose à dire, je pense? Oui, avant les fun facts, je voulais vous dire qu'on a un concours en association avec Ubisoft. Nice. Ubisoft nous donne deux codes pour un jeu que j'ai critiqué récemment, qui est Assassin's Creed Chronicles China. On a un code pour PS4, un code pour Xbox One. Et vous devez répondre à la question suivante. La question, c'est dans Assassin's Creed Syndicate, qui est l'héroïne qui a été dévoilée durant les conférences du E3? Donc, qui est l'héroïne de Assassin's Creed Syndicate? Vous devez nous envoyer votre réponse à info@retronouveau.ca et nous dire quelle version vous préférez. Le gagnant va être dévoilé. En fait, on va répondre à ton email, puis tu vas le savoir. Exact. C'est officiel de même. C'est officiel. Ça, c'est simple, ça. Qu'est-ce que oui. Et voilà. Fait que, puis merci encore à Ubisoft pour les codes. C'est une belle musique qui merci commence, lui. Là. Yes, sir. Oh, c'est la musique de... Les fun facts, parce que oui, j'en ai des fun facts cette semaine. Envoyez-nous ça. Je me suis forcé un peu. Puis je vais commencer bien, bien down, là. Bon. On se rappelle tous qu'il y a déjà eu une tuerie à Virginia Tech aux États-Unis. Je vais passer sur ma musique, excusez-moi. Ça me déconcentre. C'est cette musique-là. Il y a eu une tuerie. Il y a eu la tuerie. Inappropriée. On commence demain. Ben suite à ça, il y a l'avocat Jack Thompson qui avait envoyé une lettre à Bill Gates en lui disant que Microsoft pourrait être légalement tenu responsable de la tuerie de Virginia Tech à cause du jeu Counter-Strike. Un jeu que ni Bill Gates ni Microsoft ont produit. Aïe. Il est fort, le gars. Ah ouais, hein? Un petit peu plus tard, ce gars-là, cet avocat-là, Jack Thompson, s'est fait retirer son permis de pratique plus une amende de 100 000 $ parce qu'il avait lié la série GTA avec plusieurs crimes sans aucune preuve. Ben oui, il y avait plein d'affaires. Il y a un champion du monde. Il y a une fixation aussi sur les vidéos. Oui, ben d'ailleurs, je cherchais, il y a une illustration de Jack Thompson qui est en train d'embrasser le gars dans Bully. Ah ouais. Parce que dans Bully... tu pouvais choisir que ton partenaire, ça soit pas une fille, mais que ça soit un gars. Puis lui, justement, il s'était insurgé contre ça. Okay. Fait qu'il y a un gars qui a fait une super belle illustration de lui qui est en train d'embrasser le dos de Bully. Mais souvent, on voit ça là, dans la nouvelle passée, que le blâme part sur les jeux vidéo pour la violence. Mais c'est bon, des fois, de voir que... Pourrais-tu blâmer les fabricants de guns, ces gens? Ben, c'est ça. Là, c'est ça. Avant tout, là. Mais c'est bon de voir que l'argument ne passe pas en cause suprême ou en cause... C'est une bonne nouvelle, ça. Ils sont pas épais. Au moins. Deuxième fun fact. En fait, les deux prochains facts, c'est des trucs que j'ai pogné dans le livre des records Guinness, Gamers Edition. J'ai trouvé ça sur le net cette semaine. Okay. Premier truc que j'ai vu, étant donné que la Coupe Stanley s'est gagnée hier, je me suis dit, on va parler de hockey. Les Blackhawks qui ont gagné la Coupe Stanley. À matin, je vais sur Facebook. Tout ce que je vois, c'est Shenmue, Final Fantasy, Shenmue, Final Fantasy. Je suis comme tabarnak, qui c'est qui a gagné hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me commande. Il y a trop de geeks dans mon fil Facebook, je pense. Sur la soirée du podcast, de façon plus intensive. Ben, je la suis. Oui. Jetez votre post-mortem. Post-mortem, c'est voilà. Le record du monde de la plus longue séquence de jeux consécutifs de NHL, joué avec le NHL 2010, appartient à deux Canadiens, James Even et Bruce Ashton de Orillia, en Ontario. Du 30 au 31 juillet 2011, ils ont joué 45 parties de hockey d'un marathon de 24 heures de gaming. Et tabarnouche. La compétition s'est finie 32 à 13. Les Jets ont battu les Red Wings. Chose qui se produirait jamais au hockey. 32, ouais, c'est ça. 32 à 13? Ben, 32 victoires contre 13 défaites. C'est quand même 45. Celui qui a juste gagné 13 fois devait être tanné, là. Ouais, pendant 24 heures, là, c'est long, longtemps, là, pour jouer au hockey. Puis, dernier truc, Victor de Leon III, le troisième, surnommé Lil Poison, est né le 6 mai 98. Deux ans plus tard, en 2000, ce jeune-là a pris une manette de Dreamcast et a commencé à jouer à NBA 2K. Mm-hmm. Cinq ans plus tard, en 2005, rendu à l'âge de 7 ans, il a signé un deal avec les organisateurs du Major League Gaming, faisant de lui, à ce jour, le plus jeune pro-gamer. 7 ans. Ah ouais. 7 ans. Un 7 pro-gamer. Ans. Le gars a été déclaré pro-gamer par le Major League Gaming. Incroyable. Commencez à 2 ans. Fait que commencez tôt si vous voulez être bon. Mais 2 ans, mon gars, il y a 2 ans et demi, man. Il serait jamais capable de... Je sais pas. Il est jamais... Je veux pas. Il y a d'autres affaires. Ben voyons, il commence déjà à rentrer de l'argent. À la maison. Tu veux t'acheter un gros char, si tu veux mettre des Macs. Ouais, c'est peut-être plus payant que de faire des petites coutures. Mais... Ouais, non, c'est ça. Je pense pas. Je pense qu'on... Mais tu sais, moi, mon gars... Toi, t'as vu aller au sous Granby et chiller. Un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Mon gars commence à torcher à Mario Wii U, genre New Super Mario Bros. U. Ah ouais? Il est super bon. Fait que là, je me dis, comme Christy, ça... Ils ont ça inné, là, ça n'a aucun sens. Ah, mais le World, Nintendo si World Championship, l'année prochaine, enregistre-le. Puis... Oui. Mais oui, exploiter les enfants, là, comme ça. On va voir Bruno arriver, ça va être pas... avec sa Cadillac, payé par ses enfants. Bon, ben c'est ça. C'est tout. Excellent. C'est tout. Ben justement, Nicolas, excellent segue. Ouais, oui. Parce que on va parler du E3. Mm-hmm. Puis moi, je trouvais qu'une bonne façon de commencer à parler du E3, ça serait de parler de l'excellente façon dont il a été propulsé. Il y a Nintendo qui a ramené le fameux Nintendo World Championship. C'est malade, ça. C'est écœurant. Puis je trouve que c'est il n'y avait pas meilleure façon de lancer le 3 que ça. Là. Ça a vraiment été fantastique. Là. C'était, je sais pas, tu sais, ils ont-tu fait ça dans une session de brainstorming? Hey, pourquoi on ferait pas ça? Tu sais? Ben oui, comme un wizard. Ils sont allés sur eBay puis ils ont vu les cartes qui sont rendues genre à 100 000 $200 000 Ils se sont dit, OK, il y a comme un genre d'engouement. Là, le rétro, ça marche. Mais là, je pense qu'ils vont... Je sais pas, là, mais... Moi, je pense que ça va faire, donner là, quelque chose d'annuel parce que ça a été très populaire. Ouais, ça a eu mais un c'est même grand pas succès. Au Canada, à ce qu'on m'a dit. Non. C'est qu'en fait, ils ont fait leur présélection. Je pense que tu pouvais jouer au jeu dans les Best Buy. Les Best Buy, oui, aux États-Unis. Pis... Mais pas au Canada. Non. Non. Fait que ça s'adresse pas à nous. Ben le World, c'est comme les World Series. C'est World, baseball, mais... c'est ça. T'sais. C'est des World, mais pas World toi. Champion américain, d'un sport américain seulement. Ouais. Ouais. Bon, là, tu sais, cette année, peut-être que c'était juste ben, comme ça. Ben, tu sais, ils commençaient, c'est les premiers pas. Ils ont essayé, pas, mais ça a marché. Peut-être qu'on peut s'attendre à quelque chose, je sais c'est pas. C'est ça, peut-être qu'ils vont ouvrir ça plus large ça par cool, la suite, tu sais. Papa Cassette, tu pourrais y aller. Ben oui. Il y a Jason Vachon de la boutique Flip Jeux à Québec qui m'a dit, « Man, on devrait en organiser un au Québec. » Un championship de jeu. C'est vrai. On fait la tournée, man. On va à Rimouski, on va à Alma, on fait partout. Puis on fait la finale à Québec ou à Montréal, là. Mais j'ai pas le temps. Un autre projet, là. C'est ça. Je vois pas quand même. Mais ça serait hot, par exemple, une compétition québécoise, tu sais, de jeux vidéo, en tout cas. Totalement. Mais gros joueurs, c'était pas ça qu'ils faisaient à un moment donné. Je sais pas. C'était un peu ce qu'ils font, eux autres, exactement. C'était un peu ça, ils font de l'événement. Ils font des affaires corporatives, puis des événements, puis des affaires de même. Là. OK. Mais continue. En tout cas, pour revenir ça à track, c'était écœurant, hein, parce que c'était très... la façon que ça a été fait, c'était tout neuf. À chaque fois. Mais c'était vraiment rempli de joie, puis les jeux changeaient comme souvent, tu sais, puis ils commençaient genre « The next game is gonna be... » Puis là, c'est comme « Splatoon! » Puis là, le monde capotait, puis il y avait un reel... Puis tu sais, il y avait l'engouement pour tout, même quand c'était un jeu comme « whatever ». Parce que tu ne savais pas vraiment c'était la surprise, quoi la prochaine affaire. Ça, c'était bien instrumenté. C'était bien monté, genre avec l'espèce de map de Mario, de dire « ben les quatre joueurs qui vont être bons s'en vont dans le upper world, puis les autres quatre, ils s'en vont dans l'underworld, puis s'ils perdent, ben that's it, t'es out of the game ». Puis tu sais, c'était vraiment, c'était excitant là, comme compétition. Mais les jeux, ça va être simple. Ça va être Mario Kart, Splatoon, puis Mario. Il y a eu Splatoon, il y a eu Mario Kart, il y a eu Balloon Kid. Pas Balloon Kid, mais Balloon Fight. Ah ouais, rétro même? Oui. Ah, nice. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Mario Maker, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais en tout cas, il y a eu une bonne couple de jeux comme ça, mais c'était un mélange de rétro puis de next-gen. Urban Champion 3D. Non, t'as pas là. Des gros jeux. Eh ouais, des gros canons. Mais c'est ça, mais c'était le fun parce que justement, ils ont mélangé tout ça. Puis moi, ce que j'ai aimé le plus là-dedans, puis je l'ai dit sur Twitter, c'est ça m'a fait chaud au cœur. C'était le gars qui a gagné. C'était vraiment visiblement un geek qui était, tu sais, pas qu'il est pas bien, je dis pas, je veux pas être péjoratif, dire que le gars il est pas bien dans sa tête, mais tu sais, il avait pas l'air bien dans sa peau, il regardait jamais le monde dans les yeux, il était tout croche, puis tu sais, il était comme yay, puis il savait pas trop où se mettre, tu sais. Puis j'étais comme Chris, c'est génial, parce qu'il y avait du monde qui était là. Il y avait des gamers qui sont arrivés là-bas, puis c'était comme « Fuck yeah, I'm the machine! » Des rockstar gamers. Des rockstar gamers qui font chier, que t'es comme « Ah, décris, tout le monde a joué à Mario Bros. Ferme ta gueule. » Fait que tu sais, ça me gossait un peu, ces gars-là. Puis c'était le fun de voir qu'au final, Christy, c'est le gars, c'était le style rock cave qui fait nulle part, qui a gagné. Puis je trouvais ça génial. Puis il y avait Shigeru Miyamoto qui s'en venait pour le féliciter, tu sais, puis donner le fameux trophée de Mario, puis tout, puis une 3DS signée, puis tu sais, c'était hot, c'était comme traité comme une vraie compétition, Mais pour 50$ chez GameStop. Ouais, monsieur. Mais tu sais, c'est ça. C'était vraiment pour les joueurs. Puis j'ai senti que c'était sincère. Puis c'était vraiment le fun de commencer le E3 de cette façon-là. Puis c'est bon de le souligner aussi. Puis j'espère qu'ils vont faire ça tout le temps parce que, ouais. Sérieusement, c'est vraiment génial. Non, je suis d'accord. J'aimerais ça que ça devienne quelque chose à toutes les années. Oui. Puis c'est sûr qu'il y a eu des creux. C'est quoi? C'était dans les années 90, 92, genre, quelque chose? Ça fait longtemps. Ça devait être au début des années 90. Il y avait vraiment il y avait un manque là, puis c'est intéressant. Avec le succès que ça l'a eu, j'ose espérer que ils vont pouvoir capitaliser là-dessus puis en faire un autre. Puis maintenant, Internet existe, fait qu'on pourrait être au courant. On le sait, si t'étais pas abonné du Nintendo Power, tu n'as pas le savoir. Ouais, c'est ça. Mettons que t'habites à Vallée-Jonction. Hein? Je suis bon à Mario, moi, pourtant. J'ai raté ça en Californie. Il n'y a plus de raison. Alors là, tu le sais. Aïe, aïe. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour passer ailleurs... Enchaîne ces jeux. On va vous parler de nos coups de cœur. En tout cas, des affaires qui nous ont vraiment marqués. Moi, j'ai décidé d'y aller avec des affaires qui m'ont surpris. Parce qu'il y a des choses qui sont au E3, tu sais, puis que tu sais qu'ils vont être au E3, puis que tu as déjà vu auparavant. Comme entre autres, dans ma liste, j'ai pas Just Cause 3, mais j'ai vu la démo de Just Cause 3, puis j'ai hâte, puis ça a l'air malade, mais tu sais, c'est comme Just Cause 2, juste en next-gen. Puis Batman Arkham aussi a l'air écœurant, puis ils ont montré le cauchemar de Scarecrow qui a l'air vraiment cool. Mais bon, on le sait, ça sort la semaine prochaine, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais commencer par ce qui est probablement mon Game of the Show. Même si j'ai vu aucun gameplay, c'est ReCore. ReCore, c'est un jeu, c'est fou là. C'est un jeu qui est exclusif à la Xbox. Pis c'est fait par les créateurs de Metroid Prime et Keiji Inafune. Ouais. Une équipe de malades. Puis le concept, c'est vraiment t'es une fille puis t'es avec comme une espèce de chien. Il y a un orbe au milieu. Puis cet orbe-là qui est un core, finalement, tu t'aperçois que ce core-là, c'est ça qui est important dans la machine, puis que tu peux le mettre ailleurs, que tu peux le mettre, admettons, dans un gros robot. Pis c'est ça. Là, tu vas pouvoir avoir une autre machine, tu sais, comme « Ah, you're back, buddy! » Ce core-là, il est bleu, puis le core des méchants, il est rouge. Exact. Mais ce qu'on voit aussi, il y a un screenshot à la fin de la fille avec beaucoup de personnages autour d'elle. Il y a une genre de méduse qui flotte, il y a un gros mec, il y a le chien, il y en a un autre. Fait qu'on voit qu'elle switch le core de robot à robot, c'est finalement. C'est un accompagnateur, là, la bébite que t'as avec toi, dans le fond. Puis ils doivent chacun avoir un pouvoir spécial. Dans le fond, le core, en tant que tel, c'est un personnage, on dirait, en voyant ça. Là, C'est ça. Mais il y a comme, dans le fond, il y a genre 6 carcasses, puis tu switches le core de personnage à personnage. Là. Le chien a une petite influence Wall-E. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, une petite influence Wall-E, ça m'a fait penser aussi un peu à Knack, parce que Knack, indestructible, puis c'était tous des morceaux qu'il faisait. C'est ça. Mais ça, c'est encore plus original, vraiment. Pas ce que c'est ça. C'est une belle idée. Est tellement beau. C'est une belle idée. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, une affaire qui est spécifique du E3 cette année, on n'annonce pas des suites, on annonce ou des nouveaux IP, on annonce des franchises. Genre, c'était vraiment comme New Franchise. C'était tout le temps ça. Fait que ça, c'est une nouvelle franchise. Ils l'ont déjà dit d'avance. Ça, c'est comme ils se lancent pas là-dedans pour en faire rien qu'un. Ils vont en avoir une coupe. Fait que moi, j'ai très, très hâte. Puis ça paraît aussi cette année au E3. Je sais pas si t'as remarqué, Nicolas, que c'était comme, on veut des filles. Ah, ouais. Il y a des filles en sacrifice. Ah, il y a des filles partout. Hein. Là, il y en a. Des héroïnes, là, on a. Ouais. Mais c'est une bonne chose, tu sais. C'est une très bonne chose. Depuis, je sais pas, là, genre 30 ans, tu sais, c'est plus rare. Là. On a fait un top là, des héroïnes féminines là, sur le. C'était la page difficile, il y avait pas tant de choses que ça. Ben non, tu sais, puis là... Le monde en veut. Moi, j'aime ça, personnellement. Ouais. Cette personnage-là, elle a l'air vraiment, vraiment cool. Ouais. J'aime vraiment la direction artistique. Puis il y en a plusieurs là, des titres là, qui ont lancé ça. Puis avec des filles là, intéressantes. Puis c'est le fun. T'sais. Ça prend la diversité. Ouais. Ça, ça nous en donne. Fait que, mais ReCore, en effet, il est sorti de nulle part. Oui. Mais personne n'a parlé de ça. Nulle part. Ça, c'est ce que j'aime, moi. Il y a beaucoup de titres qu'on a. Le 3, c'est comme plus réchauffé sur certains points. Mais il y a eu des petites affaires qui sortaient de. Out of the Blue, tu sais. Mais c'est un peu ça, moi, que je recherche de 3. Puis même si tu me donnes pas de date, je m'en sac un peu. Je veux juste comme regarder ça, faire comme... Tu vas être émerveillé. C'est le futur du gaming, genre, c'est comme juste espérer quelque chose, pas qu'on me dise genre, « Ah, and it's out in 2 weeks! » Je m'en sac. Je veux juste comme triper puis rêver. Tu veux dire, là, tu sais, genre, « OK, j'ai hâte à ce jeu. » Ouais, c'est ça. T'en rappelles-tu, il y a un an ou peut-être même deux, on avait fait un cover dans ton... Quand on le faisait chez vous, je pense... Le cover du E3, puis il y avait un jeu qui s'appelait, il appelait ça Cyberpunk. Oui. Puis moi, j'avais flashé là-dessus. Oui, comme, oh my god, c'est donc bien beau, c'est donc bien malade, la fille est comme toute pointue. C'est toujours pas sorti, c'était pas sorti. C'est qui Je sais pas, je m'en rappelle plus, il faudrait regarder. C'est mais un jeu PC. J'ai en revu fait. Des images de ça dernièrement, Cyberpunk. Je me disais, ah, ben, ils vont le faire, mais là, ça se fait pas, là, tu sais, c'est ridicule. C'est long, là, ça n'a aucun sens. Donc, c'est le fun des fois, comme ces affaires-là, tu dis, oh, nice, tu sais, mais quand il n'y a pas de date, il n'y a pas rien. C'est un beau démo, ça. Limbo. Mais non, c'est ça. Fait que de record, je vais passer à un autre jeu, Dishonored 2. Dishonored 2. Ouais. Et qui est le héros dans Dishonored 2? Non. C'est une héroïne. Eh oui. Donc, c'est ça. Bethesda ont dévoilé ça quand même. Ils ont dévoilé ça le vendredi. En fait, le vendredi... pas le vendredi, c'était dimanche, la conférence. Ouais. Puis moi, Dishonored, c'est un jeu qui m'intéressait au départ, mais j'ai comme manqué le bateau. Quand c'est sorti, je jouais à plein d'autres choses. Puis là, finalement, je me suis dit, bon, je vais le commencer. J'ai commencé le premier niveau sur PS3. Je trouvais ça bien cool, mais finalement, je jouais à d'autres choses puis tout ça. Puis là, ils ont annoncé que Dishonored, le premier, va sortir sur les consoles next-gen. Ce qui me fait vraiment plaisir parce que je ne jouerai pas en tout sur la version PS3. Je vais juste aller dans le next-gen parce que c'est un univers vraiment intéressant. Dans celui-là, ce que je trouvais le fun, c'est le trailer. Ça, c'est un des meilleurs trailers que j'ai vu de ma vie parce que le concept est tout là. Tout le gameplay, tout ce que tu as besoin de savoir dans le jeu est là, en fait. Tu sais, c'est quoi les nouvelles aptitudes de l'héroïne? Tu sais à peu près comment tu vas jouer. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis visuellement, c'est vraiment fantastique. Elle a comme une espèce de grappin qui fait qu'elle peut s'en aller plus loin. Elle a aussi une espèce de truc évasif avec de la fumée et tout ça. Mm-hmm. C'est vraiment le fun, c'est vraiment beau. Puis évidemment, les créateurs, j'ai vu une entrevue avec les créateurs, puis ils disent vraiment, tu sais, le concept est là. Ouais, c'est vraiment sur la base de Dishonored 1, sauf que là, on s'en va vraiment dans le tapis parce qu'on est dans le next-gen. Puis la direction artistique est phénoménale. Ah, c'est beau. Je connais pas ça du tout, ce jeu-là. C'est un jeu qui est sorti tard dans le cycle de la PS3. Oui, vraiment. Puis la version PC était vraiment plus intéressante visuellement. Ouais. Fait que ça va vraiment ramener le fait que tu vas pouvoir une version console là, qui a de l'allure. Ben oui. Puis juste les personnages là, je sais pas c'est qui le doute qui a dessiné ces personnages là, mais c'est dans mes humains préférés en version cartoon là. Je trouve ça tellement beau quand il y a des humains dans un jeu qui touchent au cartoon sans être trop exagéré. Tu sais, que t'es proche de l'humain, mais c'est juste assez cartoon c'est pour l'être. C'est comme un entre-deux qui fait du sens. Oui. Ouais, c'est comme, tu sais, je pourrais dire, mettons, Ratatouille ou tu sais, genre de espèce de bonhomme cartoony, mais qui a l'air... Mais qui a quand même l'air, tu te dis, il pourrait exister dans la vraie vie, là, tu sais, c'est... Mais lui, man, il est... Ah non, c'est vraiment hallucinant, puis même les monstres, justement, les espèces de robots qui se retrouvent là, qui sont un peu freaky puis épeurants. Ben, le méchant, l'antagoniste, là, je présume que c'est lui. Là. Il a vraiment une face un peu plus cartoon, là, tu sais. Ben allongé. C'est ça, son menton est pointu et tout ça. Tu sais, lui, il a des traits vraiment. Ouais. Mais je trouve ça fantastique. Moi, j'ai vu ça, ce trailer-là, puis j'étais... Mais Bethesda a fait ses forts, en fait. C'est une grosse année pour eux autres, là, tu sais. C'était une des meilleures conférences, Bethesda. Fallout 4, tu sais, ça, c'est... Le monde attend ça, en plus. Le monde capote, là, sur Fallout 4, t'sais. Moi, personnellement, là, c'est pas une série qui m'a vraiment accroché. Un trouvelette. Oui. Je trouve que les humains sont affreux. Ouais, moi aussi. J'ai essayé Fallout 3, tu sais, à Xbox 360. J'ai joué un peu. Je trouve ça correct, tu sais. Je suis sorti... J'ai fait tout le tutoriel. Je suis sorti... De ma zone initiale. Je commençais à jouer, puis j'étais comme. J'ai pas accroché. Ouais. Mais je sais qu'il y a un gros fanbase. Fait que. Oui, puis le jeu, tu sais, dans un sens, c'est magnifique, ça. À chaque fois que ça part, on va du GF, on s'en garde. Connecté. On connecte, là. Mais non, couvert c'est ça. Couvert par Polar, Porto de 15 ans, tour de SimCity. Petit pyjama à pape. Pyjama à pape. C'est beau. serait beau à imaginer ça. On serait en débat, imagine. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a des talents, des talents de Photoshop, là, faudrait, mais ça, allez-y. Allez-y pas. Mais non, Fallout, moi, c'est sérieusement, là, ça m'intéresse. Je l'ai vu, puis j'ai vu le gameplay, le démo. C'est le fun, puis le monde est intéressant quand même. M'intéresse même plus que le troisième, mais c'est ça, c'est pas... Elle me tient pas vraiment à cœur, cette série-là, fait que c'est pas, c'est pas dans mes coups de cœur. C'est quand même... moi non plus, c'est pas un mes coups de cœur, mais je pense que c'était bien attendu de la part de la communauté, tu sais. Ils ont sorti un Doom, en tout cas, ils annoncent un Doom. Ça, là... Ça a l'air d'un plaisir coupable, ce jeu. Honnêtement, là, le sang, puis le gore, puis la, la chainsaw que tu sors du corps. Là, ça dit, OK, dans le temps, c'était ça, Doom. C'était violent. Là, on est rendu là, puis c'est comme, je pense qu'il faut le prendre au deuxième degré. Ça va être vraiment un jeu que... Ça va être over the top. Là, over the top, de violence. Puis j'aimerais ça le voir, parce que tu sais, le dernier Doom que j'avais essayé, c'était 3. Puis j'ai pas trippé. Fait que j'ai pas vraiment essayé le 4. Moi, le dernier que j'ai essayé, c'était sur mobile. OK, Puis le pire, c'est qu'il était quand même bon. Mais il était quand même bon, tu sais. Fait que non, moi, j'étais bien content de voir ça de retour, là. C'est juste que quand tu le regardes, tu fais comme ça va juste être un bloodbath, là. Il y a pas de... Il y a pas de recherche vraiment là-dedans, là. C'est une tuerie intense. Mais j'ai hâte. Sinon, à part de ça, pour suivre ma liste, il y avait le nouveau Mirror's Edge qu'on attendait. Le retour de Fate. Tabarnouche, le retour de Fate. Fait que encore une fois, un nouveau héros, non une héroïne. Donc, il n'y a pas assez de gars dans les jeux vidéo. Il n'y a plus assez de gars dans les jeux vidéo. Les gars virils, là. Ben, on va en voir tantôt. On va en avoir en masse. Il y a des épées, là. Il y en a en masse. De toute façon, il y a du temps à, ils ont du temps à rattraper. Il y a tellement, il y en a tellement manqué pendant des années, les filles. Mais c'est ça. Mirror's Edge. C'est beau, ça, un peu. Hey, sérieux, là. C'est beau, en crise. Ça, là, c'est un wet dream de graphiste, man. Ah oui. Tout est clean. Tout C'est miroir, c'est spick and span, là. C'est une ville, man, en cristal. C'est vraiment magnifique. C'est beau, là. Juste dommage que ce soit en first person. Mais... Je suis pas capable de jouer ça. Je suis pas bon, man. Je sais, mais... Je voudrais tellement, mais je suis pas capable. Je me suis habitué. Non, mais toi, vraiment, c'est ça. Non, c'est moi qui ai un problème. C'est pas le jeu, là. C'est... Le pire, c'est que moi, à la base, le first person shooter, c'est vraiment pas mon style, là. C'est pas un... Mais c'est même pas tant shooter, c'est comme Portal. J'ai Portal 2, moi, au PS3. J'ai jamais réussi à jouer cette crise de jeu-là. Je sais jamais où est-ce que je suis. La conception 3D. J'y arrive pas. Ma tête à... Positionnement. Ouais, le positionnement. Mais c'est ça, t'as vraiment... C'est incroyable. Ça marche pas, là. T'es un gars intègre, pareil. T'es vraiment un gars rétro, all the way. Ouais, c'est ça. C'est comme l'univers 360, ça te fuck, là. Ouais, ben ça dépend. Je suis bon avec une carte puis en char. Même pas besoin de carte, en fait. Je suis bon en char, tu sais, pour savoir où est-ce que je suis, whatever. Même si je suis jamais allé, je me souviens du chemin, puis il n'y a pas besoin de checker, whatever. Mais là-dedans, j'arrive pas à me situer. J'ai l'impression qu'il y a une craque, là, puis je serais supposé tomber dans la craque normalement. Mais l'écran est comme chubby, puis je tombe pas dans la craque, puis je comprends pas pourquoi. Tu comprends? Ça marche pas. Comme mécaniquement, ça marche pas. En tout cas, c'est moi, là. Mais ouais, vas-y. Mirror's Edge Catalyst, sérieusement, on n'a pas appris une tonne d'affaires avec le trailer. Jusqu'à date, j'ai pas vu de gameplay. Mais c'est ça, j'imagine, on continue vraiment exactement dans la même veine. Je pense pas qu'on va avoir de grosses surprises niveau gameplay. Mais c'est un jeu qui mérite de revenir pour que ça devienne vraiment une franchise solide. Mais ça, c'est l'équipe de DICE, là, tu sais. En fait, puis il y a sûrement du monde original là, du premier projet là, qui travaille là-dessus. Là, pis, parce que ça n'avait pas été un succès, comme tu avais dit. Là, non, mais tu sais, c'est... Ah, mais c'est un fan, c'est un succès. C'est un succès de critique, puis un petit peu niche. Oui. Mais là, je pense qu'il va y avoir une possibilité. Il est tellement beau. En tout cas, ce qu'ils ont présenté, c'est tellement beau. Fait que j'ai hâte de voir du gameplay final. Endgame, t'sais. J'ai vraiment. Mais je pense que peut-être ça va être la chance de lever, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, Fate, moi, je trouve le personnage vraiment magnifique, là, ce personnage. Sauf que là, dans le trailer, il n'avait pas son fameux tatouage. Fait que j'avais une légère déception. Mais c'était peut-être du maquillage. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose. Pour moi, elle se maquille le visage. C'est peut-être un prequel, tu sais. Je sais pas, là. Il va se passer de quoi. Pas un prequel. Mais je sais pas, ils ont montré des sections où, des sections où c'était comme un rêve ou était comme enfant, là. Fait on sait pas c'est quoi. C'est vrai, ça. C'est peut-être qu'en fait, Mirror's Edge Catalyst, ça se passe avant que Fate devienne Fate. Peut-être. Peut-être qu'elle s'appelle Lynn. C'est une Kiefer's de la base. Sa Presidio est marquée en bas à côté de l'immeuble en cristal. Non, moi, je connais des Lynn qui sont vraiment bien. Fait que aucun préjugé sur ce nom. Non, voyons. Des coiffeuses. Mais je connais des coiffeuses qui sont excellentes aussi. Moi, je connais des coiffeuses de tous les noms. Fait ouais. que c'est... Mais c'est drôle, c'est un préjugé qui est connu. Ben oui. On les aime, nos coiffeurs. Mais hein, qu'on les aime. C'est un running gag de Retro Nouveau TV, en fait. Là. Exact. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une belle coupe de primé, puis après, t'es ready to go. Ah, comment gamer. Ah oui, les piments. Oui, ah oui, les piments. Prochain jeu, un jeu que tout le monde aime. Et ça, c'est unanime. Pauvre GF. Vas-y. C'est quoi, c'est GF, quoi? Il est comme Colin. Non, c'est quelle vidéo je pense? Mets-toi le visage avec ton Major League bandana. Ouais, ça marche bien, ça, cette affaire. Ouais. Cuphead. Oh, le jeu que tout le monde dans la chatroom parle en ce moment. Ah, ouais. Moi, là, je capote. Ben, c'est comment capote. Ne pas capoter là-dessus, pareil? J'avais capoté la première fois que Nick avait montré ça dans un épisode précédent parce que... C'est un cartoon des années quoi? Les années 30. 30? Ah, ouais. C'est ouais. ça, c'est malade. C'est Mickey Mouse à son début. Là, ouais. vous allez Mickey Mouse dans le train. Là, c'est ça, vous allez reconnaître ça en noir et blanc et tout. Puis, tu sais, je capotais parce que je trouvais ça beau. Mais ce qui me fait vraiment capoter maintenant, c'est que Chris, c'est comme un run and gun. Oui, c'est un run and gun. C'est malade. Ouais. C'est Contra dans un cartoon des années 30 avec des éléments de schmop parce qu'à un moment donné, ils sont dans un petit avion là, puis ils shootent. Ah, man, ça me fait capoter. Mais c'est ça. Tellement heureux que ça soit ça qui a été décidé, que ça soit le gameplay, là, tu sais. C'est pas un platformer, là. C'est un genre... Ben, il y a des éléments de plateforme, assurément. Mais run and gun... Il y a des éléments de plateforme, mais ils disent que c'est plus run and gun. Ouais. Puis, les développeurs, ils l'ont dit, là, c'est plus run and gun. Ah, 1936, 60 ans plus tard. Ça, c'est incroyable aussi parce que... C'est Gunstar Heroes, tu sais, en cartoon. C'est... Mais c'est ça, comme tu dis, c'est un style qui est... Tu sais, pas mis à part tout le truc esthétique des années 30, là, le style comme tel, il y en a plus bien. Non, il s'en fait les jeux comme Contra, ça. Il s'en fait pas vraiment, tu sais. Il y a des platformers, mais pas de guns. Non, là, c'est ça. Là, il y a du gun. Moi, c'est ça qui me plaît, là. Puis tu peux charger, puis... Puis moi, des c'est gros ça, éléments de background qui viennent par en avant de chercher. Ben oui. C'est comme une mécanique de jeu que j'adore, mais là, enrobé d'une espèce de crémage magnifique. Là, Puis qui a l'air authentique, qui a l'air vrai. Ouais. Tu sais, si tu le regardes, t'as l'air de jouer Chris, c'est pas un jeu vidéo. Je trouve même que ça a l'air tellement vrai que j'ai peur qu'on ait de la misère à deviner qu'est-ce qui nous attaque pas dans ce jeu-là. Parce que le background est aussi vivant que le foreground, si je peux dire. C'est donc, vrai. Ça a l'air... Ça, en tout cas, on y jouera. Parce que même l'image a été doublée un peu pour que ça fasse flou comme dans une vieille TV. C'est un projecteur, là, tu sais. T'entends quasiment en arrière. Ah, oh, c'est hot. Non, c'est vraiment écœurant. J'ai hâte d'y jouer parce que... Ça, en plus ça de va ça, ça va être un co-op local. Ça va être, je ne sais pas si il va y avoir du co-op online. Un jeu de party, en plus. Ça, c'est exclusif à la Xbox. Xbox tient un gros exclusif. Cette année, j'ai quasiment envie de m'acheter une Xbox. Mais il y a plein de bons stuff. Sérieusement, on va continuer là, dans les jeux, là, mais on va reparler forts, des Microsoft cette année. On va reparler des conférences là, tantôt, mais Microsoft, là, solide année. Après Cuphead, For Honor. Ubisoft Montréal travaillait sur un projet secret depuis un bout. Ah oui, ça. Ils voulaient pas dire ça, c'est quoi. Ça, c'est le jeu d'homme là, pour contrebalancer tous les héros féminins qu'on parlait tout à l'heure. Là, pas que c'est un problème, là, je voulais juste mentionner ça. Parce que on est gars en tabarnak. À grand coup d'épée dans la face. Mais ça, en fait, moi, c'est parce que là, on voit le trailer qui est plus cinématique, mais ce qui a fait que j'ai vraiment trippé, j'ai vu un gameplay démo, puis c'est vraiment cool. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est en fait ce qu'ils veulent recréer, c'est comme le jeu de tir compétitif et avec une campagne aussi, mais avec la stratégie, puis avec des épées. Mais comment ils vont faire le tir? C'est un first person? C'est pas ça. C'est juste que jusqu'à date, il n'y a pas vraiment eu ce genre de jeu-là compétitif avec des épées où tu te bats. Puis que tu peux te battre en plus que 5 coups avant de mourir, tu sais. Fait que, tu sais, dans la plupart des jeux avec ton épée, là, je veux dire, tu te bats pas super longtemps. Là, ce qui arrive, c'est que avec ton joystick de droite, tu contrôles où tu vas envoyer ton épée. Puis avec ton joystick de gauche, tu contrôles ton personnage. Puis après ça, avec tes boutons... C'est un genre de Soul Calibur. Exact. Mais dans un genre de campagne puis de multijoueur avec des cartes. C'est ça. Ah. Mais tu sais, il y a beaucoup de stratégies à la façon dont tu vas te battre. Même qu'à un certain point, ça m'a fait penser à l'approche Ninja Gaiden Sigma. Ouais, c'est où tu peux pas juste comme foncer dans le tas puis varger comme un malade. Sûrement qu'à certains moments, tu vas pouvoir, mais dépendant de la classe que tu choisis, il va falloir que tu y ailles un petit peu plus tactique. Fait que c'est un jeu qui, à la base, a vraiment l'air d'un jeu de baston à la God of War, super comme... Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique en arrière de ça. Puis ça a l'air d'un jeu vraiment deep, puis avec beaucoup de choses à découvrir. J'ai super hâte à ce jeu-là. Puis c'est sorti de nulle part. Là. Ouais, ça, c'est un autre belle surprise. Autre, ouais. Puis ils ont bien... ils ont bien gardé le secret, parce que les secrets, maintenant, là, c'est dur à garder. Ah, ouais, tabarnouche, là, des leaks, là, il y en a eu en maudit cette année. Puis ça, c'est une super belle surprise. Sérieux, s'il y a des gars d'Ubisoft Montréal qui ont travaillé là-dessus, chapeau, c'est magnifique. Ouais, super. J'ai vraiment hâte de voir d'essayer ça. Oui, vraiment. Après ça, je retourne du côté d'Ubisoft exclusif, Gears of War 4. Ouais. Attends. Ubisoft? Ah, pas Ubisoft, excusez, Microsoft. Ah, c'est ça, ouais, c'est bon. Allez me chercher une bière pendant celle-là. Ben ouais, tu fais bien. Fait que Gears of War 4, ou comme je l'ai appelé sur Twitter, Can't See Shit the Game, c'est sombre en sacrifice là, comme trailer, mais on sait tous, les gens qui travaillent en 3D, à quel point c'est le fun de travailler dans le noir, parce que quand tu fais tes affaires dans le noir, ou avec de la pluie, ou avec de la boucane, ça cache bien des imperfections. Mais... Gears of War 4 a l'air hallucinant, d'après ce que j'ai vu, puis d'après le gameplay que j'ai vu. Puis il y a vraiment une grosse coche par rapport au troisième. Ouais, mais tu sais, ça, en fait, Microsoft a racheté la licence à Epic. Oui, c'est ça. Les studios Microsoft qui développent ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air, parce que justement, ça va être une brisure là, avec les équipes qui ont fait 1, 2, 3. Là, c'est plus, ce qu'on voit en ce moment, ça ressemble exactement à ce que Gears est depuis le début. Ah oui. Ouais, mais l'environnement... Sauf qu'il y a un côté côté de Last of Us. Exact, j'allais dire ça. C'est très sombre. C'est sombre, mais tu sais, tous les environnements, l'éclairage, tout ce qu'on voit, en fait, puis même le gameplay avec les bébites, tout ça... C'est comme Castlevania avec des fusils. Mais il y a un petit côté survival horror que j'haïs pas, quand même. Ouais, il y a un petit peu de Resident Evil là-dedans aussi, tu sais... Fait que non, j'aime où la franchise s'en va. Puis moi, je le dis direct en partant, je suis un Gears of War fanboy. Là. Moi, c'est, moi aussi. Moi, c'est Halo. Halo, ils m'ont perdu complètement. Puis Gears of War, de jeu après jeu, c'est vraiment, là, c'est une meilleure en meilleure. Puis je trouve tellement que c'est une bonne franchise. Fait que celui-là, j'ai des super grosses attentes. Moi, je joue juste à la campagne. Je me sens avec du multijoueur. Mais la campagne, encore une fois, ils ont vraiment l'air d'avoir travaillé fort. Ils ont-tu parlé du multijoueur pour celui-là? Moi, je suis un gros fan du online pour Gears. Là. Sais-tu, malheureusement, je me suis pas intéressé, fait que j'ai pas regardé. Allez voir. Mais c'est ça, niveau tu campagne... Tu devrais pas t'inquiéter, je pense. Ça devrait être. Une franchise comme Gears of War, ils ont vraiment le choix. Non, c'est ça, ils ont pas le choix. Puis, je veux dire, Microsoft, c'est le multijoueur en ligne. Là, c'est vraiment la base. Là. Mais bref... Écœurant. Sérieux, là, c'est ça, c'est 4 gameplays, des mots de fou. J'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à ça. Après ça, si je m'en vais ailleurs, ça aussi, c'est un autre jeu massivement multijoueur qui m'a fait capoter ben raide. Star Wars Battlefront. Ouais. Quel démo de malade! Voilà. C'est là-dedans, là, je veux dire, c'est ce qui est hallucinant. C'est que c'est toutes les affaires que t'as aimées... Dans le film, ouais. Dans le film, là. C'est du porn. C'est du porn de fans de Star Wars. C'est genre... Les sons, les costumes, les personnages qui sont là. Il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps. Ça n'a aucun sens. Puis tout ça, bizarrement, fait du sens aussi. Parce que, je veux dire, ça fonctionne très bien avec justement le combat par terre, le combat dans les airs, le combat sur véhicule. Moi, j'ai joué à toutes les Battlefront. Je les ai pratiquement toutes critiquées à Monsieur Net. Ouais. Je suis un gros fan de la franchise. Mais la franchise commençait à perdre le oomph, en fait. Puis ça... Tu sentais moins l'attache avec les films avec lesquels on a grandi. Okay. Puis là, tu sens vraiment, justement, les vieux Star Wars, vraiment. Là, la bataille look, de Hoth, l'habillage, c'est pas mal ça. C'est exactement ça. Puis ils n'ont pas essayé de moderniser. Non. Tu sais, genre, ils ont collé là, au costume traditionnel. Puis tu sais, ça a vraiment l'air intéressant. Oui. Puis je trouve ça écœurant, justement, dans le démo. Comment les choses, comment les événements s'emboîtent les uns dans les autres. Tu sais, tu vois que ton bonhomme est là, Il rentre dans un vaisseau, il ramasse une grosse arme, là, whoop, t'as une espèce de walker qui est là. Mm-hmm. Faut faire tomber le walker, ça rentre dans un vaisseau, il entoure le walker avec ça, le ça a pas l'air, ça a l'air dynamique, tu vas faire plusieurs choses. C'est ça. C'est pas juste... C'est pas ça juste une mission à la fois, c'est comme plein de petites missions. Exact. Ouais, ça a l'air vraiment que tu peux commencer en petit soldat bien simple, puis ton petit soldat, ben coudonc, tu t'en vas dans une autre machine. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, la démo qu'on voit là, c'est sûr que ça a été fait pour les fins du show. Fait que c'est probablement la game la plus impressionnante ever. Mais j'ai pas de misère à croire que ça peut ressembler à ça. Là, c'est clairement du gameplay, là, en fait. Oui, c'est du gameplay. Il y a un peu d'édit, là, en fait, ouais. D'édition qui a été faite là-dessus, mais c'est sûr que c'est peut-être leur meilleur testeur qui a joué, fait qu'il est bon. Là. Mais clairement, tu peux t'attendre à ça comme expérience. Puis, tu regardes aussi, c'est assez épuré, tu sais, le HUD, là. Oui. Tout ce qui est l'interface graphique, c'est léger, tu sais. Ça a pas l'air d'être artificiel, tu sais. On dirait que. Ça a l'air super immersif comme jeu. Là. J'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Là. Non, ça a l'air immersif. Puis aussi, niveau des vaisseaux, ça rejoint quelque chose qui me manque de Star Wars. Moi, les jeux de vaisseaux de Star Wars, je trouvais ça tellement bon. Là. Ah, tu sais, X-Wings versus TIE Fighter. Ah, là, shit, man. C'est tellement hot. Un classique qui, malheureusement, n'a jamais eu de jeu moderne. Mais là, ça peut répondre à un petit peu nos besoins. Ouais, des dogfights... Non, c'est ça. Fait que Star Wars Battlefront, Hype Train, Jump In. On n'a pas été hypé sur Star Wars autant que ça depuis le Nintendo 64. Ouais, Shadows of the Empire. Ben, honnêtement, il y avait plein de jeux. Il y en a un qui ont... Comment il s'appelait? 1862, je sais ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben celui qui a été avorté. Celui qui a été canné. Ouais. Mais tu compares ça, ce qu'on voit maintenant, versus le gameplay qu'il y avait. Un monde de différence. C'est ça. Ça a l'air genre, OK, I'm in, je veux vraiment l'essayer. Là, ben oui, vraiment, là. C'est écœurant, ça n'a pas de sens. Tu joues le film, tu sais. Ouais. Il est même plus beau que le film original. Ah non, j'ai le goût d'arrêter de parler et juste regarder la vidéo. C'est ça, c'est vraiment, là. Moi, je l'ai regardé et je me suis pas tanné pendant tout. Là. C'est magnifique tout ce qui se passe là-dedans. Mm. Pour ça, je vais passer au prochain aussi. Le jeu qu'on pensait que c'était mort. Ouais. It Lives, The Last Guardian. Finalement, The Last Guardian existe encore. C'est en fait le grand jeu des créateurs. J'ai même plus le goût, de Ico et Shadow of the Colossus. Ils m'ont trop niaisé. Hey, regarde bien comment qui. Tu sais, moi, ce qui était incroyable. Le gazon n'était pas beau, là, par exemple. Le gazon n'était pas beau. Hein? Pour vrai, le gazon n'était pas beau. Après toutes ces années, il me semble que le gazon pourrait être moins. Moins comme des lignes. Moi, j'aime ça comment qu'il, gazon, en fait. Comment qu'il descend les marches. Il descend les marches comme des animés du studio Ghibli. Check bien comment qu'il descend les marches. Bon, là, c'est ça, son gardien s'en vient. Là. Le gardien, c'est l'espèce de bonhomme qu'on a vu auparavant, là, comme un espèce de mélange d'âne chien avec un oiseau. Puis c'est ça, là-dedans, en fait, on fait la même affaire qu'on fait dans Ico. À place d'être une petite fille, c'est un gardien, puis il va nous aider à nous rendre du point A au point B. Il n'y a pas d'ennemis là-dedans. C'est vraiment juste de se promener à travers le tableau, puis d'arriver à la fin. Donc, c'est très simple, aucune violence. Il faut pouvoir jouer avec ça, take it. Tu sais comment il descend les escaliers, malade! Ah, non, c'est classe. C'est hot. Ah, c'est tellement cool. L'animation a l'air vraiment bien faite, là. Oui. Mais c'est ça qui est le fun. Le gazon est lettre, là, par exemple. Le gazon est lettre, par exemple. Ben, il y a un petit problème de frame rate, mais c'est clair que c'est pas un build. Oui, mais ça, c'est ça, là. Tu sais, ils ont annoncé la semaine passée que Mark Cerny, qui est l'architecte de la PS4, embarquait dans l'équipe. Okay, là, ça va voir. Quand que lui, il embarque dans l'équipe, non, ça veut dire le comme poil OK. Les plumes, la bébite, faut livrer, puis ça va beau, mal. Là, sérieux. C'est comme des plaquettes. Ouais, ouais, moi, je comparerais ça à un jeu de Nintendo 64, sérieux. Juste au-dessus, là, tu sais. Mais tu sais, coche. Faut pas juger ça, là, tu sais. C'est exactement là, ce que je Ah, mais Chris, ça fait comme 8 ans, combien de temps? Oui, ouais, mais là, c'est parce qu'en fait... Là, ils sont sérieux, là. C'est ça. Ah, excuse. C'est ça. Excuse-moi. C'est ça, c'est qu'en fait, ce jeu-là... vous pouvez perdre une soirée ou un week-end complet à lire tout ce qui s'est dit sur le jeu. Là. Ça a été comme un cauchemar de développement incroyable. Puis c'est pas pour rien qu'il n'est pas sorti encore. Là. Mais ça, je pense que c'est juste comme une preuve de développement. C'est un proof of concept. Puis ils vont développer là-dessus. Puis ils vont faire avancer le jeu. Puis probablement que l'engin graphique, c'est ça, c'est pas rendu là encore, là, c'est pas fini. Moi, j'aurais rien sorti avant de sortir le produit final. Ah non, pas moi. Pas moi, ben parce non. Parce que un moment donné, t'es pas pris au sérieux. Il fallait qu'il montre quelque chose, sinon exact. Du vaporware, là, personne n'aime ça. Ouais. Duke Nukem Forever, là. Puis ce jeu-là, depuis l'an passé... Si ton produit, c'est de la marde, c'est sûr. Non, mais c'est parce que depuis l'an passé, ce jeu-là, là, ils se font rincer. C'est rendu le running gag de Sony. Là. Ah ouais. C'est, moi, je dis que tu fermes ta gueule. C'est comme si ça n'existait plus. Puis là, paf, dans 2 ans, tu le sors proprement. Au lieu de faire un genre d'affaire de même qui sert à rien. Mais sérieusement, t'es le premier qui chiale contre ça. Que ben écoute, je suis probablement le moins au courant. Là. C'est ça, Moi, ce que je te dis dans la logique des choses, quand tu fais rire de toi pendant des années, puis que genre ça chie, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais tu veux le faire, ton projet, pareil. Fait qu'au lieu de sortir une petite affaire, dire « Hey, j'ai encore envie, regardez-y, on travaille là-dessus, puis là, ça s'en vient peut-être pas pire parce que le gars de PlayStation 4 s'en vient. » Tu sais, non, tu fais rien, puis tu le sors, c'est comme bang dans ta face. Parce mais que sérieux, ça va être je le trouve pas lettre, moi, le jeu. Non, mais je dis ça, je sais pas, là. Il est quand même très beau, non, là. Non, mais l'animal, il était lettre, là. C'était supposé être des plumes, ça. C'était des plaquettes de tôle qu'il y avait sur le dos, man. Mais non, mais tous les jeux qu'on regarde depuis tantôt sont magnifiques, man. Mirror's Edge, puis là, tu regardes ça, man, c'est comme... En tout cas, moi, je trouve ça correct. Puis pour l'instant, je pense que c'était plus de montrer que le jeu existe puis de montrer du gameplay puis de montrer que ça s'en vient. Ben, au moins... Puis c'était important de faire ce c'est move-là. Ça, c'est du gameplay. Ils sont pas forcés puis faire... justement une cinématique là. C'est du gameplay pur là. Parce que c'est des images, tu sais, à part ce gameplay là, la partie d'avant, c'est toute une partie qu'on avait déjà vue il y a 3 ans, 4 ans là. Fait que tu sais, on avait déjà vu ça, mais le gameplay on l'avait pas vu encore. Puis ça c'est juste de dire, ben regarde, là ça s'en vient pour vrai là, c'est sûr. Okay. Fait qu'en tout cas, moi j'étais super content. Fait que une date là-dessus? Ben, sûrement pas. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. C'est d'ailleurs... le fait que tu fermes ta gueule. C'est d'ailleurs une des plus grandes faiblesses de la conférence de Sony. Il n'y a presque pas eu de date. Puis c'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment hâte de voir la détection de collision avec le gardien. Voir à quel point il va pouvoir interagir avec tout puis avec ton personnage, parce que c'est bien beau dans une vidéo de même. Mais il va clipper partout. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, un gros personnage comme ça, avec un petit personnage comme ça, souvent, ça a tendance à rentrer dans la peau puis il se passe des affaires pas le fun, comme dans Papo Ennio. Bref, je vais passer au prochain jeu. Non, mais il y a des gens dans le chat qui sont d'accord avec toi. Ouais, non, c'est sûr. Puis c'est pas parce que je connais pas le jeu, c'est la pure logique. Il y en a qui disent que le gars si n'est pas un employeur là, tu me reviens à chaque année et dis OK, non mais l'année prochaine tu vas m'engager, tu sais parce que je vais être bon. Dis, OK, mais tu sais un moment donné Chris, tu me déhype là. Chris ton camp, je te prends plus au sérieux, je veux plus jamais te voir la face. Mais moi je pense que la décision de dire OK, ça y est, ça se passe, ça se fait. Elle s'est faite quand même assez récemment. Juste l'annonce de Mark Cerny qui arrive dans l'équipe, ça s'est fait là, une semaine ou deux avant le 3. Ce qui veut dire qu'eux autres, probablement, là, qu'il y a un gars, le gun, ça attend, puis qui est comme... Ouais, OK, là, le man, là, sort c'est ça pour le 3. Il dit, ça a l'air de quoi? Quand... Oh, le 300 000, vite, faut faire de quoi, vite? Exactement. Non, selon moi, là, pourquoi ils ont mis ce dos-là? Là? Ils ont dû voir ça. Ils ont eu la même réaction que toi, Dom. Puis on dit, faut régler ce problème-là parce que t'as raison. C'est comme j'ai dit, le frame rate n'est pas là. Les plumes, t'as raison. Mais ça démontre du sérieux. T'sais. Fait que moi, je vais leur donner la chance. On verra le démo l'année prochaine. On verra l'année prochaine si on me donne une date. Non, mais là, en fait, c'est que. Mon gars, bon, plus vieux rentrer à l'université que de Last Guardian, tu n'as pas sorti sa PS8. Bientôt sur PS8, c'est ça. Tu vas arriver pour la partir, update, tu vas t'endormir, fini, hype gun. Oh my God. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, en fait, je suis content parce que là, ça les force à livrer. Oh ouais. Jusqu'à maintenant, là, c'était considéré comme mort, ce projet-là. Là. Ouais, ça les force en même temps. Ils peuvent choquer n'importe qui. Non, ils ne choqueront pas. Ils peuvent pas choquer. Ils peuvent vraiment... Ils peuvent tous mettre ça au vidange demain matin puis tout aller se coucher, man. Puis, personne va se faire exécuter à cause de ça. Ouais. Fait que si on continue... une autre super belle surprise, la gang de Guerrilla, ils ont fait Horizon Zero Dawn avec une héroïne. Ah, je l'ai pas vu, celle-là. C'est un autre exclusif à PlayStation. C'est Guerrilla, en fait, c'est les créateurs de Killzone. À place de s'en aller dans un first-person shooter, ils ont décidé de faire un jeu d'aventure à la troisième personne dans lequel on tue des dinosaures robots. Ah, c'est ça, le jeu de Dinosaur Robot Killer. OK, j'ai entendu parler de ça. Fucking fantastique. Un excellent mix, là. Wow. Jouer, là. Ouais. Vraiment, là. Fait que c'est ça, là-dedans. Là-dedans, ce qui est le fun, en fait, c'est que ça ressemble à être... Ça a l'air d'avoir un petit côté Monster Hunter, mais les développeurs ont assuré... Non, non, c'est pas un clone de Monster Hunter. Mais oui, il y a des influences de Monster Hunter, mais il y a des influences aussi de plusieurs grands jeux d'action à la troisième personne. Puis c'est le fun, c'est le mix des genres. La fille, qui l'héroïne, a l'air d'une indigène là, ou d'une fille justement qui vient du passé. Ouais. Puis il y a plein de trucs super futuristes dans le monde, tu sais. C'est fun ça, les mélanges comme ça. Ah, mélange, ça me plaît au bout. C'est écœurant, tu sais. Puis visuellement, c'est vraiment fantastique. Ça, c'est du beau gazon. Ça, c'est du beau gazon. Ça, c'est du méchant beau gazon. Regarde-moi ça comme c'est beau, calice. Des vrais branches d'arbre. On sent la sève, rien qu'à regarder. Mais ça, je peux t'assurer que ça fait un petit bout qui travaille sur le saumon. Oui, mais j'avais comme l'impression que Last Guardian, il y avait eu un petit bout pour travailler sur le saumon. Oui, mais non. Non, l'histoire est longue pour Last Guardian. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Fait c'est plus beau qu'un documentaire de David Suzuki, calasse. Ah oui, Christy. Imagine si le monde était beau de même. Ah ouais, hein? C'est-tu assez magnifique, ça, rien qu'un peu? Check-moi, les montagnais. C'est beau. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, bref, il y a eu du gameplay aussi quand même pas mal. Vous pouvez en trouver sur Internet, vous pouvez même en trouver sur notre page Facebook. On a mis pas mal d'affaires. Ça démontre vraiment le jeu qui a l'air super intéressant, très approchable par n'importe qui aime les jeux d'action à la troisième personne. Fait que j'ai très, très, très, très hâte de jouer à ça. C'est vraiment, c'est dans mes tops. C'est un super mélange de technologie. Oui, check ça, les robots dinosaures, man. La nature, là, ça plaît, c'est magnifique. C'est vraiment écœurant. Là, je t'ai mentionné. À quoi bon, Jurassic Nick vient de s'ouvrir un ostigon. Ça va être pas. Il y a longtemps que j'en avais jamais vu des aussi gros que ça. Ouais, c'est le format 710. Hey, limite, bonne chance avec ça. Ouais, merci, je broute pas mal, t'es aussi bon que commencer dans 3 jours. Fait que ouais, et Horizon Zero Dawn, un must, un exclusif sur la PlayStation 4. Et mon prochain, je vais y aller avec Uncharted 4. On a vu la démo, puis c'était drôle en tabarnouche parce qu'ils ont commencé la démo, puis la démo a gelé. Problème technique. Oui, problème technique. D'ailleurs, même si on en parle pendant un bout, j'ai l'impression que le bug va arriver même dans la vidéo qu'on vous présente. Parce que Sony l'a laissé comme... Okay. Le YouTube qui a uploadé, c'est le YouTube du fuck, de la présentation. Mais bref, c'est ça. Vraiment, là, on le voit là, qu'on est rendu dans le next-gen, en tabarnouche. C'est vraiment le plus beau jeu qui existe, comme c'est là. C'est vraiment c'est sur la coche de The Order. C'est très beau. Non seulement c'est très beau, maintenant, il y a des séquences en voiture. Fait que ça a pas mal été la grosse surprise, là. Puis les séquences en voiture, moi, ça me rappelait Crazy Taxi, de la façon que le véhicule se promenait un peu. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis j'ai trouvé bien intéressant aussi la façon dont les choses s'emboîtent dans ce jeu-là. Il y a vraiment l'air d'avoir plusieurs événements en même temps. À savoir jusque où c'est scripté, c'est toujours tu te poses toujours la question, mais je tiens à rappeler aux gens que dans Uncharted 3, il y avait beaucoup de moments du genre où quand tu tournes à gauche, il se passe quelque chose, tu tournes à droite, il se passe quelque chose. C'est des trucs vraiment huge, genre un truck qui fonce dans un mur ou un bout de mur qui décroche, puis ça donne une ouverture sur l'extérieur. Ouais. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ça, fait que tout semble très réel et très jouable. Puis le niveau de détail est complètement hallucinant. Là. Ouais. Mais ça ressemble vraiment, bien que ce soit très, très beau, là, ça ressemble vraiment à du Uncharted, puis c'est correct. Oui, c'est ça correct. Ça me dérange pas. Ils n'ont rien réinventé, à part le véhicule. T'sais, comme tu as dit, il y avait déjà des séquences de véhicules avant, mais c'était plus sur une rail. Exact. Là, tu as des options de tourner à gauche, de conduire un peu c'est plus. C'est ça. On a dit d'ailleurs que c'est ça, ça c'est pas un rail, le véhicule. Ouais, c'est vraiment... Il y a des des sentiers alternatifs, si je pourrais dire en français. Là. Tu peux prendre plusieurs façons pour terminer un tableau. Donc ça, c'est quand même assez cool. Puis oui, c'est du Uncharted. Même la façon dont Nathan Drake court, saute, ouais. ça reste la même. Puis je pense que c'est important. Ben oui, que ben c'est... oui, il faut que tu gardes ouais, ça. Mais ce personnage-là, il avait ça, bien t'sais. Établi, il y a une personnalité, exact, tu peux exact. Pas le changer. Tu sais. Exact. C'est la force d'Uncharted, je trouve. Nathan, son humour ouais. un petit peu poche, là, exact. Avec Sully, tu sais, là, on a vu qu'ils ont ramené Sully, là, fait que... Ah, il faut Sully, il faut absolument que Sully soit là, il est tellement écœurant, là. Mais c'est ça. Moi, ce que j'espérais voir dans Uncharted, par contre, que j'ai pas vu, puis c'est un souhait personnel, c'est qu'on peut jouer avec plusieurs des personnages de la franchise dans la campagne. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont présenter à l'avenir, mais tu sais, c'est comme une tendance qui commence à être intéressante pour plusieurs développeurs. Ben, comme dans Last of Us, comme dans Grand Theft Auto, comme dans le nouveau Batman, que tu peux incarner d'autres personnages aussi, pas en DLC là, juste admettons qu'il y a une mission, ben Christy, l'autre mission c'est pas Nathan Drake, c'est Sully. Ouais. Ou décider de prendre le point de vue de Sully à la place de prendre le point de vue de Nathan Drake, tu sais. Ça pourrait être intéressant, mais malgré ça, c'est un jeu que j'achète jour 1. Là, j'achèterais ça les yeux fermés. C'est ma franchise, dans mes top franchises, ouais. ben franchement. C'est ouais, moi, j'ai jamais été déçu, là, honnêtement. Non, c'est vraiment excellent. T'as toujours la job. Je sais pas si c'est O3, mais ils ont annoncé une collection des Uncharted, je pense, pour PS4. Oui, ça s'en ouais. vient au PS4, Nathan Drake Collection, les trois premiers jeux. Moi, je vais acheter ça puis je vais jouer à ça parce que moi aussi j'avais pas fait le 3 en fait là. OK. Moi, ouais, ça va être la meilleure place pour moi. Moi, je suis personnellement tanné de ils font tout ça, tu sais, ils ressortent des versions HD de leur ancien jeu qui vient de sortir mettons le 3-4 ans, t'sais. Mais tu sais quoi? Moi, je suis content de ça. Moi, garde, je suis pas con. Ouais. Moi, je suis tanné un peu parce que tu sais ils font tout, tu sais. C'est correct si tu l'as pas joué puis tu vas le trouver, puis tu vas aller l'acheter ouais. mais je veux dire, tu sais, ils investissent quand même de l'effort là-dedans. T'sais, moi, ouais. Sérieusement, je préférerais qu'ils investissent de l'effort comme ça pour les nouveaux jeux. Mais souvent, ils voient ça comme une plateforme pour faire un genre de financer le prochain, comme Grand Theft Auto. Ben, ils ont développé leur engin. Ils font pour, ça aussi pour les gars comme moi qui, à un moment donné, genre 2-3 ans plus tard, après ouais. la sortie de la console, m'ont acheté une PS4. Ouais. Puis j'ai jamais joué à aucun Sly Cooper de ma vie. Ouais. Puis là, ils vont faire un Greatest Hits HD. Puis t'as genre, yeah, man, je vais me plancher ça. Ouais, hein. c'est ça. Au lieu ben, de... Quand c'est plusieurs consoles plus tard, c'est correct. T'sais. Un jeu de PS1, PS2, OK. Là, c'est PS3. T'sais. God of War, ils ont fait ça aussi. Ouais. Puis, c'est comme. Ouais. Je trouve qu'il y en c'est a pas beaucoup, assez vieux t'sais. Encore pour valoir. Mais ben, c'est ça. Je trouve que t'as pas eu le temps de t'ennuyer. T'as encore ta copie physique que t'as pas joué. Ouais, mais ça dépend, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi dans l'optique où t'avais déjà le jeu. Mais si t'as pas le jeu, moi, ben franchement, si j'ai pas joué à Tomb Raider, puis que c'est sûr, je viens d'acheter une PS4, puis que là, ben, coudonc, je peux pas y jouer sur ma PS4 parce que c'est un jeu de PS3, puis qu'on m'offre une version HD ouais, définitive. Ouais. Je sais, mais. Je vais prendre la version HD. C'est t'sais. Un petit rant, là. Chialais parce que ouais. ça me tentait de chialer. Là. Non, mais c'est un bon point parce qu'il y a souvent du monde qui parle de ça. C'est un ouais. débat qui est continu, là, genre ouais. arrêtez donc de sortir des autres. Je comprends, moi je m'oppose pas à ça, mais je comprends en plus financièrement pourquoi ils le font. Ben oui. Ils prennent le même jeu, ils montent leur engin pour qu'il soit maintenant compatible avec la nouvelle console, puis après ça ils vont faire le 4 là-dessus, disons, là, ouais. ou le 5 de la suite, mais bon, c'est correct. C'est juste qu'il y en a beaucoup ces temps-ci. Pis, mais oui, il y en a beaucoup. Au lieu des éparpillés dans le temps, on dirait qu'ils sont comme tout genre. Oui. Fait que... Ben surtout que Capcom en ont fait leur nouveau ouais, flambeau, c'est... là. C'est vraiment ouais, entre autres, c'est HD All the Way. Ouais. On, j'ai même reçu un communiqué de ça chez nous. Ouais. Puis c'était vraiment Capcom qui expliquait toute la prochaine année. Puis c'est HD, HD, HD, HD tout. J'ai une larme, là. Heureusement, il y a quelque chose de bon de Capcom qui s'en vient. On va en parler plus tard. Oui, en effet. Oui, un autre jeu encore. Après ça, Nick, tu prendras un bout puis je reviendrai à mes affaires. C'est beau. Je vais en faire un. Un autre, ça, là, ça n'est un là, que... mon Dieu! Même pour Dominique. Transformers Devastation. Oui! Qui est le nouveau jeu de Platinum. La dévastation des Transformers. Exactement. Les Transformers du samedi matin, tels qu'on les connaissait quand c'est on était Platinum gamin. Qui font ça. On aurait voulu que ouais, c'est Platinum. Dans ça, c'est la gang derrière Vanquish. Exact. Ouais, exact. Puis Bayonetta. Ah, voilà. C'est la seule raison pour laquelle. Ben, pas la seule raison, mais moi, quand c'est écrit Platinum sur un jeu, je suis comme, OK, man. Ouais, moi, c'est comme WayForward, j'achète c'est les ça, yeux bandés. C'est ça. Là. Ninja Theory aussi pour moi. Là. Puis regarde-moi ça comme c'est beau, man. C'est fantastique. C'est tellement beau. Là. Ouais. C'est cel shading qu'on appelle. Ouais, ouais. Ben, ouais. C'est du cel shading, mais en même temps, ils ont comme mis un effet dessus pour que justement ça donne un espèce de. Ça fait de, cartoon, là. Oui, il y a un éclairage vrai. Dynamique. Ah, tout, ouais. Même la signature à la fin, ouais. qu'on vient de voir. Là. C'est vraiment comme les cartoons du samedi matin. Là. Ça a l'air. Mais j'ai l'impression que c'est un t'as vraiment le look and feel. T'sais, les bonhommes ouais. sont un petit peu arrondis. Ouais. C'est pas les. C'est pas comme le jouet lui-même. C'est vraiment les cartoons là. Qui étaient dessinés des fois un petit peu botchés. Ouais. Là. Exact. Qui faisaient des formes plus rondes à ce qui aurait dû être carré. Puis ils ont vraiment reproduit ça. C'est magnifique. C'est écœurant. Tu regardes ça, là, moi, j'ai. Mais encore une fois, là, c'est sûr, Platinum Game, Transformer, les deux ensemble, on se dit que ça peut pas être mauvais. Fait que, non. Mais clairement. Au niveau du gameplay, ça a l'air d'être un genre de Battle Arena, tu sais. Moi, je pense que c'est... C'est genre King of the Monsters. Ouais, là, t'as raison. Tu hein, tapes c'est... sa gueule, puis tu te démolis tout ce qu'il y a autour, ce faisant. Ben oui. Et puis, c'est ça, là. C'est du 1-1, on dirait. Là. Mais c'est ça, pas se pourrait, un... ça se pourrait qu'il ait repris la formule qu'il y avait avec Mad World puis avec Anarchy Reigns. Ouais. Que ça, c'était comme des espèces de petits endroits c'est vrai, c'est où vrai. Tu t'approchais plein de monde. T'sais. J'ai pas joué à Anarchy Reigns, mais j'ai joué à Mad World puis ouais. j'ai adoré. Puis Mad effectivement, World, c'est hallucinant. C'est des zones pas si grandes, mais ouais. avec beaucoup de monde qui t'attaque de tous les bords. Fait que effectivement, exact. C'est peut-être ça. Puis si c'est ça, ça va être merveilleux. Si c'est ça, ça va être écœurant. De toute façon, c'est Platinum. Moi, ah ouais, puis Mad World, moi, j'ai trippé là-dessus bien raide. Fait que là, si c'est un Mad World, mais enveloppé Transformers, ben oui. ça va être génial. Ouais, surtout que... Amène-moi la Lamborghini à la Ferrari. Oublie son nom, moi, je veux jouer jazz, une espèce de fausse Porsche blanche. Ah oui. Je la mets en jazz. Surtout que Platinum Games, là, ça, je voulais parler de ça rapidement. Là, ils ont envoyé un tweet comme ça va rendre votre mercredi plus intéressant avec une photo de Vanquish. Ils ont envoyé ça de même, out of the blue, là, la semaine passée. Ils sont jamais revenus là-dessus. Ils ont jamais rien dit. Et les tabarnouches. Les tabarnouches, ils ouais. jouent vraiment avec mon cœur. Puis là, ben c'est ça, finalement, ils n'ont rien annoncé encore. Mais j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une autre annonce durant la semaine du E3, parce que c'est pas fini, là. Ouais. C'est, les conférences sont les terminées. Les grosses conférences sont terminées, mais ça continue. Mais il peut y avoir d'autres annonces. Tout à fait. Là. Fait que, en tout cas, Nick, take it away, moi-même, chercheur ouais. Drake. C'est bon, moi, je vais avec mes choix. Puis après ça, je vais enchaîner pour les Nintendo. Moi, mes choix, on n'en parle pas. Moi, j'ai. Sur NES, Dom, il y a avant, beaucoup je de choses. Moi, j'ai un choix. Ouais. On va commencer par un shameless self-promotion. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, moi, je travaillais chez BioWare. Ça fait un an maintenant que j'ai quitté. Mais quand j'ai quitté, je travaillais sur ce jeu-là. Tu sais, puis, j'ai pas vraiment vu là, qu'est-ce qui se passait depuis. Puis, ouais. Là, j'ai vu le fameux trailer au E3. Fait que, et j'ai appris le nom du jeu que j'ai travaillé dessus, qui avait pas de nom officiel encore. Fait que c'est Mass Effect Andromeda. As-tu versé une larme quand tu l'as vu? Oui, j'ai versé une larme, mais j'étais là, yes. Puis, il y a des affaires que j'avais vues dans le temps. Tu sais, ça a pas mal changé. T'as-tu fait les montagnes, toi, là-dessus? Non, non. T'as dit au gars comment faire les montagnes? Moi, j'étais pas un artiste. T'as dit au gars, hey, grouille-toi, il faut qu'on finisse les montagnes ouais, c'est ça, dans le meeting. C'était plus ça, toi. C'était plus ça, ma job. Je suis membre de l'équipe de production. T'as dit au gars des montagnes, ouais. Hey, grouille-toi, tabarnak. Mais tu sais, l'interface graphique de l'époque, tu sais, il avait déjà travaillé, tu sais, puis c'est du monde ultra talentueux, là. Et là, je vois ça, puis tu sais, c'est beau, là. Je suis content de voir, là. Tu sais, comment ils ont teasé. C'est un teaser, fait que. Ouais, c'est vraiment un teaser. C'est pas sorti avant la fin de l'année prochaine. Mais ça me donne une bonne idée là, de la direction artistique du jeu, ouais. où il va s'en aller. Puis, Andromeda, mais ça, c'est une autre galaxie, dans le fond. Fait qu'on comprend que c'est pas la trilogie de Shepard. C'est fini, non, ça c'est va ça, être complètement c'est fini, ailleurs. Shepard. Mais regardez ça, là, le look. Hey, moi, j'ai passé la journée à jouer au Coleco, sérieusement. Pour vrai, là, c'est pas des jokes. Là, je regarde ça. Je suis ça, barnac, ouais. On est loin. Là, ouais. Tellement loin. Mais ça. Fait que, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Il remonte le retour. C'est beau, là. Ouais. Il montre le retour du véhicule qui était tellement, tellement prisé. Mais en tout cas, il y a des petites affaires. J'ai trouvé ça le fun. Un petit petite fleur là, tu sais, que ben j'ai oui. eu en voyant ça, c'était vraiment mais les, l'équipe les gens ont vraiment bien répondu là. Parce que aussi c'est Mass Effect. Ouais. Je pense que Mass Effect c'est une série qui est blindée en ben, fait. Ben honnêtement, faut que tu fasses attention parce que t'as des fans qui sont vraiment vraiment intenses. Ouais. Et quand t'as ce genre de fans là, faut pas te décevoir, tu sais, mais de toute façon c'est un bout là, que l'équipe planche là-dessus, fait que ils investissent le temps, les efforts puis ils ont commencé à mettre les heures supplémentaires. Oui, c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, on s'entend que, en tout cas, il y a du travail qui est mis là-dedans. Puis j'espère, ben oui. En tout cas, j'ai hâte de jouer, là, vraiment. Là. Fait que ça va être le fun de pouvoir voir ça. Ben fait oui. que ça, c'était mon premier choix. Street Fighter V. Ah, ben oui, hein? Je suis content que ça fait le voici. Ça fait un bout qui monte des trucs, là. Mais là, finalement, ils ont annoncé des nouveaux personnages. Fait que là, ils ont ramené... Il y a Bison, Ryu, Chun-Li. Nash, qui est Charlie en Amérique du Nord, là, qui est comme à moitié mort. C'est comme un zombie un peu. Ouais, ils l'ont repatché avec du métal. Ils l'ont repatché avec du métal. Puis... Tu vois, ils ont annoncé les nouveaux personnages qu'on connaissait pas au E3. Ça, c'est un exclusivité E3. Donc, il y a Birdie qui vient de la série Alpha, et Camille, tu sais, qui est comme le rêve de plusieurs hommes. Alors, tu sais, comme... Puis Birdie, l'ont ramené, puis il était cœurant. Il est comme fatty un peu. Tu sais, avant, il était comme body. Ah, ouais. Lui, il a une bédaine, tu sais. Il est vraiment crédible comme punk, là, tu sais. Ah, il est vraiment... Tu sais, il est vieillissant, là, tu sais. Puis tu regardes le jeu, là, de la façon dont, dont Capcom le décrit présentement au niveau de commencer. C'est comme... un hybride entre Alpha 3 puis Third Strike. Fait que okay. Ça, là, ça va faire plaisir. En tout cas, tous les fans de Street Fighter qui écoutent ça présentement, là, ils bavent, salivent. Ben oui, ils ont tout ce qu'il faut. Là. Puis, tu sais, c'est vraiment bien. Puis, ils en montrent pas beaucoup, mais tout ce qu'on voit, c'est que ça sera pas Street Fighter 4. T'sais, ça va vraiment être une nouvelle affaire. Exact. Ils ont pas hésité à prendre des risques. Ouais. Puis, tu sais, même le système d'Ultra qui était en Street Fighter 4 a complètement scrappé. Ils ont quelque chose de nouveau. Okay. J'ai vraiment hâte. Puis là, ils ont annoncé une bêta quelque part en juillet. Là, ils vont annoncer les détails. Je n'ai pas été voir là, pour savoir comment on pourra y participer. Là. Fait que là, ça ne sort pas avant l'année prochaine, mais ils commencent déjà un bêta. C'est exclusif à PS4, c'est ça? Oui, ça, c'est une exclusive PS4. Okay. Malade, ça. Autre jeu là, que, tu sais, on dit... Là, les remakes, celui-là, là, j'ai quasiment braillé là, quand j'ai regardé ça, la larme à l'œil. Final Fantasy VII. Ah, est-ce que le monde l'attendait? Ça, là, tu sais, depuis... T'sais, au niveau du PlayStation 2, on dit, ouais, peut-être que ça va arriver, mais là, tu sais, ils nous trollaient un peu. PlayStation 3, il y avait une démo technique. Ouais. Qui était la scène d'intro là, du jeu, ouais. Avec le train. Puis ils nous avaient montré ça à Square Enix. Puis là, on était comme, tu sais, man, OK, cool, go. Mais ils disaient pas que c'était un remake encore. Non, ils disaient juste un démo HD, technique. Puis... Non, ils disaient juste un démo technique. Okay. Ils ont jamais promis le jeu, tu sais, mais c'était comme ils nous trollaient, là, tu sais. Moi, dans ma tête, c'était genre, hey, shut up and take my money. Ouais. Mais là ils ont laissé passer le PS3. Puis là, on y croyait plus, là, c'était rendu running gag, la joke. Ils nous avaient sorti une version HD, genre qu'on disait, ouais, c'était comme un remake de juste les textures, là, tu sais. Mais là, ça, c'est le vrai, là. Ah oui. Tu regardes ça, là, tu te dis, oh my God, c'est tellement beau. Puis tu te dis, OK, là, je comprends Square, pourquoi t'as attendu la PS4 pour faire ça. C'est ça. Ah oui. Parce que ça va être, en tout cas, épique, c'est magnifique. C'est sûr que, tu sais, c'est pas du gameplay, là. Ouais. Regarde l'environnement, les personnages, tu sais. Non, t'sais, mais jusqu'à maintenant, Final Fantasy, tu sais, on a vu des extraits de Final Fantasy sur la PS4. Ouais. Est-ce que le 15 va pas vendre comparé à ça? Mais sérieusement, même du gameplay, du in-game de Final Fantasy, c'est tête en sacrifice. Ouais. C'est un des plus beaux jeux qui existent. Ah, mais tu sais, tu vois, regarde... moi Cloud marcher là, ouais, avec ça. Sa grosse épée. Il te montre un peu, tu sais, il a l'air vraiment écœurant. Ouais. Ah, ouais. C'est tout ce qui les grosses vis dans l'épaulette, ah, ouais. C'est tous les détails, là. J'ai mais tellement hâte là, d'essayer ça. Là, pis je te dis, là, pour un remake, pour moi, ça, là, ouais, c'est comme je suis sûr qu'ils vont faire du gameplay par rapport à ça. Ça va être très différent. Je pense que ça va être une version 2.0 du jeu. C'est ça. Mais ouais, je comme... va arranger ce qu'il faut. Là. Pour moi, Square, là, ils ont frappé fort. Là, ouais. Ils ont vraiment annoncé plein d'affaires. Tu as parlé de Tomb Raider tantôt. Là, Puis aussi, moi, je voulais juste souligner, dans la conférence de Square, le président de Square a vraiment... confirmé puis spécifié, genre non, on n'a pas de gameplay, on n'a rien d'autre. C'est vraiment juste pour dire au monde, oui, on le fait, là c'est sûr à 100%, on le fait, on est là-dessus, on y travaille. Ouais. Et d'ailleurs, non, là j'entends ça, puis c'est la tune de ça fait Trigger. Tout le temps quand c'est exact, c'est, j'adore le Frog Steam. Mais il y avait une tune de Chrono Trigger dans un des démos qu'ils ont fait en background, un genre de remix. Ils n'ont rien annoncé par rapport à ça. Fait que je sais pas s'ils nous trollaient ou quoi. Là. Non, mais ils seraient assez. Imagine s'ils leur faisaient. Ben... Pourquoi il n'y a personne qui se plaint qu'ils ne refont pas Chrono Trigger? Ben, tu sais, le jeu, pour moi, est parfait. Là, fait que, oui. Il y a ça, là, toucher la perfection. C'est sûr que. Final Fantasy VII, c'était pas parfait. Ben, ouais, mais Final Fantasy VII, c'est du 3D. Les graphiques. Il était pas parfait. C'est ça. Le jeu était parfait pour moi, mais ça a très mal vieilli. Les polygones du PS1, du N64, pour moi, n'ont pas bien vieilli. Ouais. C'est sûr qu'on va jouer, il y a une nostalgie, puis c'est correct. Mais tu sais, là, il y a vraiment. Là, tu regardes ce qu'on a vu là, c'est comme genre, waouh. Mais ouais, Chrono Trigger, moi, j'ajoute ça, une autre affaire, genre. Ah, c'est sûr. Shut up and take my money. Moi, j'ai jamais joué à Final Fantasy VII en plus. Non? Ah, non? Jamais. Mais... Ben, j'ai joué un petit peu au début pour essayer. Genre, je me rappelle d'avoir callé. Ifrit ou Odin, je sais pas quoi, le premier que tu calles là, au début, là, que t'es capable. Ouais, ouais, il fait comme une montagne de feu, puis tu sais, quand c'est long, on a sti calé du monde, ouais, dans ce jeu-là. La magie, ouais, la magie après Ifrit, ouais. De feu, là. En tout cas, je me rappelle de ça, mais je me suis pas rendu loin, là. Moi, c'est honteux, j'étais à la station de train. J'avais pas le temps. J'étais à la station de train à l'extérieur, puis je suis fait comme non, c'est pas mon genre. Au début? Oui, j'ai juste arrêté. Okay. J'ai rien vu d'autre de Final Fantasy VII, jamais. Mais tu sais, je suis pas un gars de RPG non plus, là, à la base. Sûr, là. Mais tu vois, bon, peut-être que. Moi, c'est tombé dans une craque que j'étais pas disponible, là, tu sais. Ouais. Mais jeu, c'est une façon de m'intéresser. Ouais. Fait que tu veux, remake? Ouais. Les affaires HD, tout ça. Mais moi, attends des années avant de le faire. Ouais, c'est ça. Autre chose, peut-être qu'on peut regarder Star Fox Zero. Hey, mais oui. Moi, du gameplay, GF, j'ai écoute, rien vu. Ça, là. Tu sais, moi, je me doutais, tu sais, que Nintendo ferait un Star Fox parce que l'année passée, vous vous rappelez, là, genre, pendant les questions, ben oui. T'es comme, hey, quand est-ce que vous ramenez Star Fox? Ouais. Mais là, non seulement ils ramènent Star Fox, regarde ça. C'est magnifique. Ça a l'air du Star Fox original. Oui, moi, c'est ça que je veux. Le gameplay a l'air pas trop compliqué. Non, mais ça a vraiment pas magnifique. L'air Et devine qui travaille là-dessus? Ah, on l'a dit tantôt. Platinum. Oui, Platinum. Avec l'équipe de Nintendo. Fait que c'est une coproduction. Oh my God. Ça va être incroyable. Puis là, j'ai vu un petit peu de détails par rapport à ça. Premièrement, il va avoir 4 véhicules, incluant 3 volants, mais un tank. Ils vont ramener le tank. Ouais, puis là, maintenant, il y a des nouvelles Au 64, le tank. Ouais, c'était bon, ça. Il y avait un bon gameplay, le tank. J'ai pas beaucoup joué au 64. Là, on voit comme une genre d'autruche ou un affaire qui roule, c'est cool. Il y a un nouveau Walker, puis il y a un tank, là, comme une espèce de... Ah ouais, le v'là. Exact, tu sais. Puis il y a les boss. Les boss, c'est épique, là. Tu sais, regarde, puis moi, ce que j'aime, c'est que il y a aucun jeu qui est vraiment comme Star Fox. C'est Star Fox. Non, c'est vrai. Dans le temps, il y avait peut-être des compétiteurs, mais là, il n'y a plus rien. Moi, je trouve pas, man. Il n'y en avait aucun, là. Quand j'ai joué à Star Fox au Spanish, la première fois de ma vie, je suis comme, waouh, j'ai jamais vu ça avant. Ouais. Ben, c'était comme polygone, tu sais, tout, mais. Ben, aujourd'hui, il y en a encore moins. Puis là, ils ramènent ça, puis c'est ça, là. C'est du dogfight. Comme dans le temps, là, tu vois, à un moment donné, il fait la fameuse vrille marque de commerce, là, Star Fox. Ouais. Barrel Row. Le Barrel Row, c'est ça. Puis c'est comme, waouh, je veux jouer. Puis, tu sais, honnêtement, je suis pas un grand enthousiaste de Star Fox. J'ai aimé ça. Je suis pas un fanboy Star Fox. Mais là, genre, OK, là, je veux jouer. Là. Ben, tu vois, là, puis tu sais, ils ont moi, montré. Moi, Super NES, j'ai adoré. Ouais, bien aussi. Sûr, ça a comme, j'ai loué ça là, plein de fois, là, pour la musique et tout. Puis j'ai joué à la version 64, mais sur ma 3DS. OK. Que Julie m'a prêté, justement, j'avais quelque chose qui arrivait trop nouveau. Puis j'avais pas joué au 64. Mais la version 3DS, j'ai trouvé ça très bon. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'était bon. Mais j'ai pas joué à Adventure, mais ça pourra pas. Non, mais c'est un autre type de jeu. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a un autre aussi au GameCube, Assault. Ça, c'est-tu avec des vaisseaux spatiaux? C'est avec des vaisseaux, celui-là. Moi, je ne les ai pas joués. Moi, j'ai juste joué la version originale Super NES. Là. Mais comme je dis, ça... Il n'allait pas me chercher les autres. Ouais, lui, c'est genre. Okay. Mais celui-là, nouveau, ça revient à. Moi, la seule affaire qui m'a dérangé, c'est que j'ai vu le Nintendo Treehouse cet après-midi. Après le direct de Nintendo. Nintendo. Ouais, moi aussi. Puis tout le long, le gars qui joue à Star Fox, il est avec son gamepad de même. Puis il check son gamepad, il check jamais à TV. Ouais. Fait que ça me dérange parce que dans Kirby, ça a été, quand on l'a critiqué, un gros point faible parce que c'était comme. Hey, j'ai un jeu là, magnifique, là, grandiose, avec des boss qui font 200 mètres. Puis là, ben, je le regarde sur mon gamepad. J'ai la face dans mon gamepad. T'sais. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont jouer avec ça. Est-ce qu'on va être obligé d'utiliser les contrôles de mouvement? Parce que là, jusqu'à date, on parle que de ça, des contrôles de mouvement. Puis je sais que Miyamoto, il capote là-dessus. Mais moi, j'aime vraiment pas ça. C'est vraiment pas mon genre. Ah, je suis d'accord avec toi là, par rapport à ça. Si il faudrait que. J'aime pas cette direction. Je pense que là, s'il y a une bonne balance, c'est le fun d'utiliser dans certains contextes. S'il y a une bonne balance, ou peut-être qu'ils vont laisser des contrôles alternatifs. Ils vont peut-être faire comme dans Splatoon, j'espère, en tout cas, là, parce que c'est scooper une partie du public. Mais jusqu'à maintenant, ils font quand même les affaires intelligemment. Sauf que dans Kirby, ils l'ont pas fait intelligemment. Tu es obligé de jouer juste sur ton gamepad. Mm-hmm. Fait que là, de ce que je comprends, c'est comme une espèce de mix des deux. Mais là, il expliquait, c'est ça qui était poche, c'est qu'en fait, dans le Treehouse, il expliquait que c'était un mix des deux pour les façons de voir le jeu. OK. Mais là, il était d'une section. Mais le dude, il regardait tout le temps son écran. Puis après ça, ils sont une coupe à jouer. Puis il regarde tout le gamepad, tu sais. Puis là, j'étais comme, Christy, c'est... J'espère juste que c'est pas ça, parce que pour moi, Star Fox, c'est comme m'écouter Star Wars, justement. C'est grandiose, tu veux le voir sur grand écran. J'aimerais même jouer sur un projecteur, tu sais, tu te sens dans l'espace, tu te sens big, tu sais. Ça, comme tu dis, la démo qu'ils ont montré dans le Treehouse est venue comme annuler un peu ce qu'ils ont dit que le jeu serait avant. Ouais. Ils ont dit, ah, tu vas pouvoir regarder ton écran, ton gamepad. Mais non, le gars est vraiment le gamepad tout le temps. Puis c'est juste le gamepad qui est important. Là. C'est ça. Mm-hmm. Il revenait tout le temps, en fait. Des fois, il essayait de revenir à l'écran. Puis dès qu'il commençait à se battre, il revenait sur son écran tout de suite, tu sais. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Il y a ça aussi, tu sais, j'avoue que je suis pas le plus grand enthousiaste de regarde l'écran, regarde ton gamepad, regarde l'écran, regarde ton gamepad, regarde l'écran, regarde ton gamepad tout le temps, là. Ça, c'est vraiment fatigant. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer pour voir c'est quoi le film. C'est les fêtes 2015. Il reste l'été pour cleaner ça. Je pense que c'est même... C'est quoi? Il avait donné une date, il me semble, genre 15 décembre, quelque chose du genre. C'est pas le 2 décembre, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est au début de décembre. T'as raison. Ouais, c'est 2 décembre, il me semble. Puis, moi, je pense que... Laissons-en la chance, on l'essayera. Évidemment. Là, il y a Super Mario Maker. Oui, ben fait, oui. Qui a été confirmé. Moi, l'affaire, c'est une annonce qu'ils ont faite un petit peu avant l'E3, là, mais ce que je trouve de magique, là. Tu sais, au début, moi, je m'imaginais ça va être Mario Bros. 1 ou Super Mario Brothers. Puis là, ils ont confirmé que tu pourrais faire du gameplay pour Mario 3. Toutes les Mario 2D. Oui, Super Mario World. Ouais. Tu sais, ça va être incroyable. C'est incroyable. Puis là, en plus... Ce qui est cool, c'est que tu peux switcher on the go, genre. Tu peux vraiment voir de quoi aurait l'air ton tableau en New Super Mario Bros. U. C'est ça, le New Super Mario Bros. U. C'est malade, hein? Ça, là, puis t'imagines-tu? Moi, j'ai juste hâte de voir les niveaux de la communauté, tu sais. C'est ça. Ça, là, ça va être là, incroyable. Pour toi, là, qui aime les défis d'hommes, là, de platformer 2D, c'est sûr qu'il va y avoir des craqués, man, qui vont passer des semaines à polir leur niveau. Regarde, c'est beau, là. C'est ça, là, ça va être infini comme gameplay. Là, de... C'est le fun, justement, dans le Treehouse. Ils ont dit que, direct en partant, il va déjà avoir une bonne base de niveau déjà fait. Ouais. Comme ça, t'sais, si toi, t'es pas un créateur, c'est pas grave, tu vas avoir du contenu en masse. Puis, ça va fonctionner aussi en... Regarde, Fly qui font un changement. Eh oui. Ça va fonctionner en niveau de difficulté. Fait que ça va être écrit à quel point c'est difficile ou non. Puis tu peux mettre aussi, c'est ça, tu peux mettre tes amiibo dans le jeu, puis ça va te donner le personnage en 8 bits dans le jeu. C'est il y a même ça, le Wii Fit Trainer qui était là. Ironiquement, là, c'est ça l'apprend, elle. Je sais pas si tu avais déjà joué à Super Mario PC, qui est comme un fan. Pas Lost Level, genre? Non. C'est un bootleg PC de monde où tu pouvais prendre Link, tu pouvais prendre les bonhommes de Ice Climber. Tout dans le jeu, tu sais. Okay. Je pense qu'ils ont. Possiblement, soit qu'ils ont joué, ils sont inspirés de ça. C'est un jeu illégal, là. Tu peux pas jouer à ça. Là. Mais il y a des notions là-dedans. Regardez si c'est hot. Là, c'est ça a l'air, honnêtement, ça a l'air de. Mais moi, j'ai une question. Ouais. Aimez-vous vraiment ça, construire des niveaux? Moi, non. Moi, ça me fait... Non, moi, j'aime pas construire. Parce que personne n'aime ça. Là. Non, au contraire. C'est l'affaire, comme entre autres, les Little Big Planet. On veut tous jouer à ça pour jouer les jeux, les niveaux des autres. Mais Big Planet, je connais personne qui aime ça, construire des affaires. Hey, Little Big Planet, mon gars, il y a tellement de niveaux créés par les usagers là, que tu il n'y a juste pas de fin à ta game. Tu vas-tu les chercher, ces niveaux-là, toi? Moi, j'en ai pas joué un. Moi, en fait, Little Big Planet, j'aime pas vraiment ça, mais un jeu que j'aime beaucoup, qui a du contenu qui finit plus, puis j'en ai encore, c'est Sound Shapes. Okay. Sound Shapes, il y a des nouveaux niveaux sans arrêt. Puis le monde continue à sortir des niveaux. Puis le jeu est sorti il y a quasiment 2 ans. Fait que non, il y a beaucoup de monde. Tant mieux s'il y a du monde qui embarque et qui produise des niveaux. Parce que moi, personnellement, puis je demande au monde, puis comme personne n'en fait des niveaux. Mais les gens qui travaillent dans le jeu, là, les level designers, là, souvent eux autres, leur passion, c'est ça. Fait qu'ils travaillent un jeu, mettons, à job. Le soir, chez eux, ils vont travailler soit sur des platformers 2D, ils vont se faire des affaires. Eux, ces gens-là, oublie ça, là, ça va pondre des niveaux de qualité. Là. Ouais. Fait que moi, j'ai juste hâte de voir ce que la communauté va apporter. Ben oui. Moi, je vais essayer 3-4. Après je vais dire, c'est ça, mais c'est plus le plaisir de jouer des affaires complètement fous que le monde va faire. Ouais. C'est ça. On s'entend, il y en a qui vont mettre des heures et des heures là, là-dedans. Là. Fait ben oui. On peut compter là-dessus. T'sais. Mais avec moi, le fanbase de Nintendo, là, ça va être fou. Là. Moi, je pense à ma fille surtout. Ma fille, elle aime créer des affaires. Fait que je suis sûr que l'outil de création, elle va triper là-dessus. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Puis l'outil de création a l'air quand même assez facile. Puis juste pour niaiser, mettons, tu te dis comme Christy, ça serait le fun de voir qu'est-ce que ça aurait eu l'air, Mario, si on faisait ça. Puis Shigeru Miyamoto semblait dire que tu peux aussi prendre un niveau puis juste le modifier, tu sais. si c'est le cas, c'est fantastique, ouais. Là. Parce que juste faire des trappes, tu sais, dans le Nintendo World Championship, il y avait justement la trappe, le gars, il saute sur une boîte mystère, puis à place qu'il sorte un champignon ou une scène, c'est un dude avec des marteaux qui sort. Fait que c'est comme un troll box, tu sais. Ouais, ouais. Fait que t'as des petites affaires là-même, c'est cool. Tu sais, même toi, tu pourrais faire une compétition ici, là. Puis c'est des niveaux qui sont créés, mettons, par toi, juste des niveaux de trolling. Si tu fais chier tout le monde jusqu'à la fin du niveau, puis c'est le gars qui se rend à la fin, tu sais. Super Mario Troll. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour ça, tu sais. C'est pas. C'est sûr que moi, c'est ça, tu sais. Si je compte le 3 au complet, c'est pas le jeu qui m'excite le plus, mais je suis hyper curieux de voir ce qui va être créé, là. C'est surtout de la curiosité comme c'est là pour moi, là. Ça en poignée parce que c'est la franchise de Mario Bros. Aussi. Ben oui. Plus que Little Big Planet, ça, là, j'ai l'impression que les gens vont se garocher. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ce qui définit le 2D platforming, là, en fait. Là. Ben oui. Il y a aussi Mario Tennis Ultra Smash. Exact. Qui a l'air quand même assez intéressant. Il a l'air cool. Tu sais, les jeux de sport de Mario, moi, j'ai tout le temps le fun, tu sais. Oui. C'est du gameplay assez simple, tu sais, mais... Mario Tennis 64, un excellent jeu de Nintendo 64. Ben oui. C'est un, là. Je l'ai complet en boîte. Oh! Papa cassette.com. Mais tu sais, ils ont rajouté un nouveau move où, genre, tu peux faire un jump. Puis il y a un mode, ça, c'est le mode qu'on voit, c'est... Tu peux pogner des champignons, en fait, qui te font devenir super gros, ça donne un avantage. T'sais. C'est tout le temps la twist que j'aime d'un jeu de sport de... C'est pas sérieux, là, tu sais. Exact. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il semble être revenu aux racines de Mario Tennis, parce que Mario Tennis a pogné une méchante débarque à la version 3DS. Le dernier Mario Tennis qui est sorti... Tout ce qui faisait que Mario Tennis était le fun, ils l'ont pratiquement tout enlevé. Tout le côté, en fait, superficiel puis artificiel, là, il n'était plus là. C'était trop sérieux. C'est ça, c'était trop sérieux. Puis là, je pense que c'est comme revenu à la base, tu sais, comme juste avoir du fun puis niaiser avec la formule du tennis. Ouais. Fait que j'ai sérieusement. Sur Wii U, moi, pour moi, ça, c'est un de mes musts, là. Ouais, ça va être le fun à jouer, surtout en contre, mettons, j'imagine 4 contre 4, là. Ça, ouais. C'est excellent dans un party, là. Finir ça en bataille agréable, là. Il y a aussi Legend of Zelda, Triforce Heroes. Oui. Ça sort de nulle part, ce jeu-là. Ouais, vraiment. Tu sais, hein? Genre, on n'avait jamais entendu parler. Grosso modo, c'est le look and feel de A Link Between Worlds. Ouais. Mais tu vas pouvoir jouer en co-op. C'est comme des puzzles, si on veut, mais que tu vas pouvoir jouer à trois dans un seul. Tu vas pouvoir jouer en solo avec des aides. Mais regardez, tu sais, ça a quelque chose un peu... Tu sais, de puzzles. Ça fait penser à Four Swords. C'est inspiré de Four Swords, en effet. Là. Mais tu sais, justement, avec le monde, là, un petit peu plus... Link Between Worlds au niveau du look and feel. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de jouer ça. Puis honnêtement, lui, je me suis dit, bon, je m'attendais aux Zelda de Wii U. Finalement, c'est pas ça qu'ils ont annoncé. Puis ils ont annoncé ça là. C'est comme, hey, by the way, en attendant, on a fait ça là. Fait que, j'ai hâte d'essayer. Tu sais, ça a l'air le fun. C'est un bon petit jeu portable. Ouais. Fait que, sauf moi, c'est ça. J'ai hâte de. Pourquoi il m'a pas excité tant que ça? C'est parce que je me suis dit, si j'ai pas deux chums, moi, je fais quoi? Ouais, mais c'est ça. Tu peux jouer avec un ordinateur qui va faire tes deux chums. Ouais. OK, c'est ça. J'étais pas sûr là. Puis tu vas pouvoir jouer en ligne aussi. Okay. Tu vas pouvoir jouer en ligne, puis tu vas pouvoir jouer avec du monde. OK. Fait que, je veux dire, avec du monde local, si... OK. Une affaire qui était très drôle quand même, quand ils ont présenté le jeu, c'est qu'ils ont dit... Là, justement, parce qu'il y a le mode totem là-dedans, que chaque personnage monte un sur l'autre, puis, tu sais, Four Swords, ça jouait à 4, tu sais. Fait que là, ils se sont dit, on a essayé des affaires, on a essayé à 4 personnages, c'était trop haut pour atteindre certains objectifs. Fait que 3, c'était juste la bonne grandeur. Come on! C'est tellement... Hey, ça, c'était vraiment... Ça a été probablement la meilleure quote dans la présentation de Nintendo. J'ai entendu ça, j'étais comme... L'autodérision. What? Fait qu'en tout cas, c'était très drôle, mais non, ça a l'air cool. Ouais, mais bon, petit jeu de 3DS. Jouer, il y en a un autre qu'on n'a pas sur la liste, là, que 3DS, là, mais le nouveau Fire Emblem qui s'en vient. Là. Ah ben oui, toi, t'es un gros fan de Fire Emblem. Moi, j'adore la série. Là. Puis ils ont sorti aussi... Ils ont présenté Fire Emblem avec Shin Megami Tensei. Oui, oui. Ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Là, que j'ai hâte d'essayer pareil. Là, avec un mélange de médiéval fantastique avec des trucs d'high school. Ça, c'est un, pas aussi poussé que des pigeons là, que tu dates, là, mais ouais, je pense que ça va être malheureusement quelque chose de semblable. Fait que, moi, ben, j'ai bien mixé des affaires parce que là aussi cette année, on l'a pas mis dans nos favoris parce qu'il m'a pas excité vraiment. Mario and Luigi Papercraft. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mario et Luigi puis Paper Mario mélangés ensemble. Ouais, ouais. Fait que. Fait que là, on mélange tout. Hein. Ah, ouais, on va go. Essayer ça. Là. Puis on fait des mix. Là, il y a un jeu pour toi. Oui, monsieur. Lequel? Ben oui. Rare Replay. Ouais, mais c'est même pas pour moi tant que ça, parce que moi, je suis pas vraiment un fan des... C'est tout original. Non, non, ben je suis pas un fan de 64, puis le Prime de Rare, c'était au 64. Ouais. Mais quand même, ce jeu-là annonce 30 jeux. Oui. Pour 30$. Oui. 40$ au Canada. 40$ au Canada, quand même. Puis je me suis dit, OK, Perfect Dark, Banjo, Conker. La liste est longue, quand même. Mais c'est la liste jeu, est vraiment hein? longue oui. parce qu'il recule jusqu'au NES. Et oui, moi, c'est ça. Snake Rattle and Roll. RC Pro-Am. RC Pro-Am, Battletoads. Solar Jetman. Ouais. Il y a sûrement Cobra Triangle là-dedans aussi. J'étais épaté. C'est incroyable. Qui recule jusqu'au NES. Moi, c'est... C'est pour ça que j'ai fixé là-dessus. Regarde, on envoie Blast Corp. Oui. C'est quoi, Night Lore? Ça, je connais pas ça. Perfect Dark. Tu sais, il y en a pour les amateurs de 64, vous allez être servis solidement là-dessus. Pour le prix. Juste pour Viva Pignata, ça vaut la peine. Ah non, c'est ça. Mais en plus de ça, ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est qu'il y a certains défis puis extra par rapport au jeu. Ah ouais. Fait que c'est quand même intéressant. Ça a l'air qu'il y a un infinite... Comment ils ont dit ça, genre un infinite Battletoad Tunnel Mode? Ah ouais, GF, toi, tu vois. Je vais saigner des yeux si je joue à ça, moi. Mais c'est le fun. Moi, j'ai trouvé ça super cool. C'est génial. De faire ça, parce que quand Rare est. Quand Microsoft a acquis Rare, tout le monde attendait plein d'affaires. Ben oui. Et à part qu'elle a Instinct l'année passée, on n'a rien eu. Non. Fait qu'ils ont travaillé sur des cochonneries, tout le monde se crie, on s'entend. Là, là, c'est comme un coup de nostalgie, tu sais, qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Moi, je pense qu'ils veulent aller rechercher leur vieux fanbase en disant hey, guys, on est encore là. À quoi bon acquérir Rare si ce n'est pas pour faire ça? Mais là, Rare, ils ont. Parce qu'il n'était plus grand-chose, Rare, dans les années 90. Non, c'est ça. Ils ne faisaient rien de bon. Ben, ils étaient. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire du bon, mais ils sont mal employés. Ben, ils n'ont pas eu les gros titres. Là. Ils ont annoncé un nouveau jeu. Ils ont un MOBA qui va sortir. C'est Sea of Thieves, je pense. OK. Un MOBA pour la Xbox One. Pour la Xbox One avec des pirates. Fait que c'est le nouveau jeu de Rare. Hein. Fait que. I'm out. mais visuellement, c'est incroyable. Là. C'est super beau. C'est très cartoony, super coloré là, à la Rare. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça. Très bonne nouvelle. Moi, je vais continuer ça avec Nerdgasm. Kingdom Hearts 3. Ouais. Ils ont enfin présenté 2.5, d'autres choses. Oui. C'est parce que le 3, là, l'année passée, on avait vu quelques trucs. Là, ils en ont présenté encore un peu plus. Évidemment, c'est Square Enix qui aussi travaille d'arrache-pied sur le remake de Final Fantasy VII. Hein? Mais là, c'est ça, on a vu du gameplay. Puis, Colin, c'est vraiment incroyablement beau. Là. C'est tellement... C'est mon genre, mais c'est le genre de plein de monde. Là. C'est coloré, c'est vraiment fluide. Niveau animation, on dirait vraiment un film d'animation de Disney. Puis c'est ça. Puis ils ont aussi aujourd'hui confirmé qu'il y aurait l'univers de Tangled, le film de réponse. Ils vont le mettre là-dedans. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que le réalisateur du film travaille sur le jeu aussi, puis qui implique plusieurs personnes de Disney, des réalisateurs de... qui ont fait les films pour travailler sur le jeu. Donc, c'est ça. Mais ça, de toute façon, à mon avis, ça va sortir, ça va être génial. Il n'y a pas un Kingdom Hearts jusqu'à date qui a été de la merde. Ce qui est drôle, c'est que Square Enix ils ont trollé le monde à leur conférence. C'était génial. Ils arrivent, ils partent la toune, tu sais, la toune de Kingdom Hearts. Tout le monde sont comme... Ah! Là, ils montrent un jeu mobile de Kingdom Hearts. Ah ouais, ils ont fait ça, c'est trop bien drôle. Ils ont vraiment fait exprès. Je l'avais pas vu, la représentation. Ouais, c'était génial. Là. Puis c'est ça, justement. Il y a un nouveau jeu mobile de Kingdom Hearts qui a l'air quand même assez cool, sérieusement. Là. C'est du tour par tour, puis ça a l'air bien, vraiment bien fait. Ouais. Mais Kingdom Hearts 3, merde, fantastique. Là, j'ai tellement hâte. Après ça, je voulais parler de Hitman, parce que Hitman, c'est comme un peu un reboot. C'est pas un film, ça? Ouais, c'est ça. On le sait plus. Ils sortent plus de films que de jeux, Hitman. C'est bon. C'est épouvantable. D'ailleurs, vous irez voir ma critique de Hitman Sniper sur le site. C'est un must si vous avez un téléphone. C'est vraiment incroyablement bon. Puis c'est ça, Hitman, en fait, on le refait complètement. Tu sais, le dernier qui est sorti, Absolution, je pense, n'avait pas eu de succès espéré. Mais c'est celui avec les nonnes qui... Oui, il a été écœurant, cette mission-là, en plus. C'est tellement poche. Ça a été controversé, par contre. Très controversé. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, c'est un carré de sable avec des contrats un peu partout dans le monde, puis tu te promènes dans plusieurs univers, puis tu vas pouvoir faire plusieurs missions différentes, tu vas pouvoir interagir avec d'autres personnes qui vont... aussi travailler dans cet univers-là. Donc, j'ai trouvé le concept super intéressant, puis j'ai aussi trouvé l'approche de l'agent 47 encore plus intéressante que celle qui a été prise auparavant, où ça a l'air d'un humain qui est moins fait en plastique avec des formes bizarres. Ça a l'air d'un vrai humain, là, comme toi puis moi. Puis dans le premier trailer qu'on avait vu, tu le vois faire son jogging, puis tout ça, tu sais, puis tu vois que c'est un gars, là, tu sais, c'est un humain normal, là. Fait que, bref, ça a l'air super intéressant. Il y a aussi Deus Ex Mankind Divided, qui est le nouveau jeu de Eidos Montréal. Ce jeu-là, bon, on avait vu un trailer. Là, ça, c'est un trailer avec un petit peu plus de gameplay. Moi, ça, c'est un jeu que j'attends avec impatience, juste à cause du le concept comme tel, justement, des humains augmentés, tout ça. Tu sais, c'est un concept qui est super intéressant. Puis côté histoire, tout ça, j'ai vraiment l'impression que la gang d'Eidos Montréal, Torch, sont vraiment super bons dans le storytelling, puis sont très bons aussi avec cette franchise-là. Ils l'ont vraiment ramené à la bonne place. Puis le gameplay, une fois de plus, a l'air complètement hallucinant. Beaucoup plus action que le dernier qu'on avait eu. Donc ça, c'est quelque chose de bienvenu, à mon avis. Super hâte de voir ça. Et pour terminer, mes mentions spéciales, l'excellent Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider qui s'en vient. Ça, sérieusement, tabarnouche, c'est quelque chose, cette glace-là. C'est on quoi, a vu ça? De la c'est glace la suite du, next-gen. Du, ça, c'est la suite du reboot. Ouais. Ouais. Okay. C'est Tomb Raider 2, finalement? C'est ça, c'est Tomb Raider 2. Tu peux le dire demain. Ouais. Fait que c'est Tomb Raider 2, puis... bref, là-dedans, on a vu une grosse séquence d'escalade dans les Alpes, finalement. Puis c'est ça, c'est visuellement, c'est vraiment impressionnant. Puis une fois de plus, c'est vraiment écœurant de voir à quel point ça va mal. Tout va super mal. Tout tombe tout le temps, tu tombes tout le temps. Une affaire qui était vraiment cool, que les développeurs ont confirmé par la suite, c'est qu'on va se concentrer beaucoup plus sur les tombes. Okay. Sur les grottes. Ouais. Parce que ouais, c'est quand même Tomb Raider. C'est ça. Beaucoup à l'extérieur. Puis Mais ils ont vraiment écrit... Et ça, c'est hallucinant. Là. Ils ont vraiment écouté les fans. Puis ils ont été très, très honnêtes dans la conférence qu'ils ont eue. En tout cas, quand ils en ont parlé, quand ils ont présenté le jeu, toutes les affaires qu'ils disaient par rapport au jeu, c'est tous des trucs qui manquaient dans le premier ou qui étaient un petit peu plus faibles dans le premier. Donc, ils semblent vraiment avoir tout arrangé. Super hâte de voir ça. Ouais. Fait que c'est ça pour les jeux. C'est quand même quelque chose. Puis là, il y en a plein qu'on n'a pas le temps de parler. Il y en a plein d'autres. Là, mais... ouais, dans le chat, ça parle de Dark Souls 3. Là. On n'a pas mentionné non plus. Ouais. Ils ont annoncé que ce serait le dernier de la série. OK. Fait que c'est intéressant. Quand même. Moi, je veux parler de Shenmue 3. Shenmue, oui. Le nouveau. Oui. Sur le 3. Je sais plus. Ouais, ça serait... Je veux juste dire que... c'est Shenmue 3. Jeu. Shenmue, tu vois, Shenmue, tout le monde capotait. Oui. Moi, de Shenmue. C'était combien la game? J'ai jamais vu comme de gameplay où. Tu sais, tu vois tout le temps le dude avec son petit jacket en cuirette avec la fille. Ouais. Mais tu sais, ils sont jamais en action. Ouais. Ils sont juste comme average. C'est exact. Quoi qui se passe dans ce calice de jeu-là? C'est quoi qu'il y a de légendaire dans ce jeu-là? C'est quoi que tu fais? Tu fais-tu de la magie? T'as-tu des épées, Chris? Non, mais tu te bats. Parce que moi, je vois juste deux dos dans un parking. Il y a des sections de combat. Ouais. Mais tu sais, tu te promènes beaucoup. C'était comme un des premiers vrais sandbox. Là. Ouais. Tu te promènes. Okay. Moi, je passais vraiment trop de temps à l'arcade. Ça ressemblait à Yakuza? Possiblement. J'ai pas joué à Yakuza. Mais de ce que je connais du gameplay. Mais qu'est-ce que ça a de spécial? Ben, parce que t'as pas de l'air de me dire que c'est bien hot. Ouais, mais à l'époque, c'était. Marcher en ville. Faut se rappeler, là, à l'époque, là, c'était sur la Dreamcast. Ouais. C'était beau, il y avait ce monde-là. Tu sais, ouais. C'était merveilleux. Tu sais. T'allais dans une ville qui était vivante, tu parlais à du monde, tu bougeais. Ouais, c'est ça. Puis t'arrivais des trucs, il y avait un moment donné. Là, t'avais un combat, mettons, dans un parking, comme tu dis. Là, mais ça arrivait, là, tu sais. Ouais. Là, ton but, là, c'était. À fin de semaine, t'allais au chalet. Genre, mais tu sais, moi, tu pouvais faire des affaires, aller acheter des trucs. Puis, tu sais, comme je dis, tu pouvais aller à l'arcade. C'était comme un vrai monde, là. T'allais jouer à l'arcade. Mais aujourd'hui, à maintenant, je sais pas que comment tout ça est possible, vient. J'ai pas joué à Shenmue 2 pour rendre ça spécial. Je sais pas, mais il y a un fanbase, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, j'étais comme juste curieux. Je voulais en entendre parler d'un gars qui a joué à des RPG parce que. Non, mais j'ai jamais fini. Il m'a pas. J'ai trouvé ça bon. À un moment donné, j'ai juste décroché Shenmue 1. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr, mais là, justement, Shenmue 3. Christy, c'est malade. Il cherchait un. T'sais, le Kickstarter a été lancé quand il y a eu la conférence de ah oui, Sony. Ça a été comme bang, tout de suite. Kickstarter qui demande 2 millions. Puis, Christy, ça a été. Ça a été rempli comme, je pense, 9 heures plus tard. Ouais. Fait que le monde le voulait en sacrifice, ah oui, ce jeu-là. C'est là. Ça, c'est pas une. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un Kickstarter dans une conférence. Mais là, c'est ça, c'est intéressant. Ça, c'était quasiment de la vente à pression. Mais écoute, ce qui est fou, là, c'est que je veux dire, Kickstarter, c'était vraiment pour les indépendants avant. Oui. Puis il y a de plus en plus de grands studios qui l'utilisent comme ça. C'est vrai. C'est comme une façon de faire des pre-orders, si tu veux, un peu plus déguisés. Oui. Ou de juste dire, si t'aimes mon produit, ben viens m'encourager. C'est intéressant de voir où tout ça va s'en aller, là, parce que... À un moment donné, il y a tellement de projets maintenant. Là, ben oui. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que ces gros-là vont gober l'argent de Kickstarter du petit gars? Ouais. Mettons, moi, j'ai une poche de 100$ Kickstarter par année. Je vais-tu aller donner à ces grands projets-là ou je vais continuer d'encourager les ouais, les c'est aidés, ça, ouais. On ne sait pas. J'ai hâte de voir où ça va évoluer, tout ça. Là, ah, peut-être cas, que les gros vont manger les petits. Là. Ben là, s'ils se ramassent dans, à bouffer le, aussi la part des petits dans, l'aide, ouais. dans l'autofinancement ou le financement social. Reste à voir, là, mais. Parce je pense que ça, c'est un sujet pour une autre émission, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que moi, je voulais vous demander, hein, surtout à toi, Dom, selon toi, qui a eu la meilleure conférence? Microsoft, man. Ouais. Je sais pas. J'ai pas assez regardé les autres. Ouais. J'ai surtout regardé Microsoft parce que c'était sorti en premier. Puis parce qu'il nous a fait un beau descriptif là, de tout ce qui se passait ben oui. sur la page Facebook de Rétro Nouveau. Fait que j'ai regardé toutes ces belles affaires-là. Et puis, mais je connais rien. C'est correct. Moi, Nick. Je trouve que Microsoft a eu plus d'annonces, en fait. Ils ont changé ouais. de là, 2 ans. Là. Sports TV. Ah oui, TV. Ouais. Sports TV. Ils n'ont pas c'était... parlé de la Kinect du tout. Non, c'est ça. Ben, la Kinect, ça, la Kinect a été déclarée morte. Oh, ouais. Ouais. Bon, ben, ouais. Microsoft ouais. a gagné, d'abord. Par Microsoft, bravo. Okay. Pas par Microsoft, okay, mais par pas mal tous les journalistes. Parlé. On dit, tu sais, comme Rest in Peace, ouais. Kinect, tu sais, parce ouais, qu'elle est nulle part, là. Est ben, ils ont part. Compris, tu sais. Ils ont compris. Là, on s'en encore à liste de pouvoir écouter le football. Ouais, mais là, ils sont Xbox. Sur un autre hype train. Là, c'est HoloLens, puis Oculus Rift, puis ces affaires-là. Ouais. Sauf que l'affaire, je te dirais, au niveau des jeux, puis il y avait deux, trois surprises intéressantes. Oui. Pour que je souligne. Nintendo avec les mopettes. Oui, oui. Beau flash. Ça, là, c'était comme genre incroyable. T'sais, l'année passée, c'était, je pense que c'était l'année passée, Robot Chicken. Oui, c'était l'année là, passée. Les mopettes, ouais, ouais. C'est genre, ces petites affaires-là humoristiques, ouais. Là, c'est comme, c'est je trouve ça génial. Ouais, c'est vraiment je veux génial. Qu'ils continuent à faire ça. Ouais. Nintendo avait un bon line-up, mais l'affaire, c'est que vu qu'ils font des Nintendo Direct souvent, on savait pas mal souvent, tout ce qui était là-dedans. Il y en avait ouais. tellement. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de surprise, à part le jeu de Zelda, tu sais, comme, qui m'a surpris. Il y a aussi une autre surprise, ça a été le Metroid sur 3DS. Là, ouais, mais c'était pas une bonne surprise pour moi. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte vraiment, de voir ce que ça peut donner. J'ai été déçu en sacrifice. Ouais. Pas vu ça. Mais je dirais, puis tu sais, Sony a été correct. Ils sont bien défendus. C'était un E3 complètement fou. Tellement ouais. de titres, tellement ouais. d'annonces. Ouais. Square Enix est revenu dans le game fort. Je dirais, ouais. Bethesda a aussi frappé très fort. Ouais. Il y a eu bien du monde, là, qui a bien des titres. À un moment donné, honnêtement, là, je pense que 2015-2016, comme années de gamer là, sont juste ridicules. Il y a trop d'affaires à jouer. On saura plus où mettre nos sous. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un des meilleurs E3 qu'il y a eu depuis très longtemps. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, une affaire de même. Il y a vraiment du stock. Ouais, tu sais, on voit qu'on arrive un petit peu plus à maturité des trois consoles. Il y a des gros titres, des gros canons. Puis, je te dis, honnêtement, j'ai jamais assez de temps pour essayer tous les jeux qu'on... Peut-être essayer, mais jouer en profondeur au jeu qu'on a dit, là, ça n'a pas de sens. Il y a tellement de stock, ça n'a aucun sens. Là. Moi, j'ai trouvé que Microsoft m'a vraiment épaté cette année. La rétro-compatibilité qu'ils ont annoncée, ça a juste fait genre... C'est malade. Ça, c'est un gros coup. Mais c'est là. Juste pour pas beaucoup de jeux. Mais ils vont en mettre beaucoup. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est 100 jeux. Ils commencent. C'est 100 jeux, c'est pas pire. Ils vont sûrement prendre les top. C'est ça, exact. Ils vont prendre le meilleur. Fait que... Mais ça, c'est très hot. Ça veut dire que 360, il y en a partout. Ça veut dire que Papa Cassa va se ramasser avec un overload de 360. Ouais, non, c'est ça. Je vends pas de Microsoft. Mais qui sait? Qui sait? Mais tu ris, mais m'acheter une Xbox One puis me dire que je pourrais me pogner des jeux de 360. Il y a plein de bons schmops à 360. Oui, là. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Ça puis jouer dessus probablement. Ah ouais. Ben oui. En plus de toutes les nouvelles shit qui ont annoncé qui m'intéressent. Il y a des bons fighters aussi qui étaient là-dessus. Ouais, fait c'est ça. Exact. Fait que ça, Microsoft, là, ça m'intéresse plus d'avoir une Xbox One. Ben oui. Puis c'était eux autres qui avaient le plus d'exclusifs, en fait. Ils sont arrivés là puis ils ont fait comme, tu sais... Exclusive, world premiere. Puis, tu sais, il y avait. Ben, je dirais Nintendo, c'est tout le temps des exclusifs. Fait que, tu sais. Oui, je sais, mais la game. Tu sais, la game Next Gen, je trouve qu'elle joue pas mal plus entre Sony et Microsoft. Non, tout à fait. Si tu parles Next Gen, Nintendo, c'est comme. C'est eux, dude c'est weird le dans le coin qui est écœurant puis qui intéresse d'autres dude weird, tu sais. Mais c'est ça, ces deux-là, c'est pas mal plus les deux qui combattent. D'armes égales, admettons. Ouais. Là. Mais si tu dis entre Microsoft et Sony, Microsoft a Sony, eu le haut... Je dirais que Microsoft a été meilleur que Sony. Sony, c'était bon. C'était une très bonne conférence. Il y avait des super bons jeux, mais il y a eu moins d'exclusifs. Il y a eu moins d'annonces épatantes, parce qu'entre autres, ils ont parlé de PlayStation View. PlayStation View, c'est super excitant pour tout le monde, sauf le Canada. Mm-hmm. Puis en plus de ça, l'affaire intéressante qu'ils n'ont pas annoncé à la conférence, mais qu'ils ont annoncé par la suite, c'est que la PlayStation 4 redevient un Media Center comme la PS3. Enfin. Ça manquait, vraiment. Il était temps, là, quand même, là. Mais non, c'est ça. PlayStation, moi, j'ai été satisfait. Puis, tu sais, il y a eu des grosses annonces, mais c'était des annonces qui me touchaient pas vraiment. Comme, moi, Final Fantasy VII, puis Shenmue, je jouerai jamais, là. C'est pas mes jeux. Même le remake de Final Fantasy VII? Même... Action-based? Ouais, ouais. Il va regarder gameplay que Kingdom Hearts qui disent. Ah ouais? Je veux juste y jouer. Non, mais je vais m'y intéresser, tu sais, mais de prime abord, c'est pas exactement mon genre. Tu regarderas les cinématiques sur YouTube. C'est ça que je vais faire. Mais non, c'est ça, mais c'était une bonne conférence, mais une conférence excitante de monde qui avait la face dans la boîte puis qui se sont relevés. Microsoft, ils ont été très solides cette année. Là. Mm-hmm. À part la manette à 170$, j'ai trouvé ça très bon. Puis le HoloLens, sérieusement, moi... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont excités par ça, mais je veux pas jouer de même. Ça m'intéresse vraiment pas. Puis Nintendo, ben moi, j'ai été déçu par Nintendo. J'ai vraiment été déçu. J'ai trouvé que c'était divertissant, mais j'ai trouvé que le oomph que Nintendo a, même dans le Direct qu'il y a eu l'an passé, qu'il y avait quand même pas mal d'affaires qu'on savait déjà... Mm-hmm. Il était plus excitant, il y avait plus de cartes dans la manche, tu sais. Ouais. C'était vraiment, il y avait quand même un petit quelque chose, il y avait d'autres choses à annoncer, tout ça. Les choses qu'ils ont annoncées cette année n'étaient pas super excitantes, puis c'était pas les petites surprises, c'était pas des surprises vraiment incroyables qui amènent la compagnie ailleurs, tu sais. Fait que ça a été vraiment Amiibo. Vraiment beaucoup. Ça m'a fait penser à Microsoft avec la Kinect dans leur fameuse conférence sur la Kinect. Mais non, c'était pas un désastre comme le 3 de 2008 là, avec le drummer, là, avec Wii Music. mais tu sais, c'était quand même pas incroyable. C'est ça, c'est que le line-up, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient déjà annoncées. Comme je dis, à cause des Nintendo Direct, ils en font souvent. Il n'y a pas tant de surprises que ça. Tandis que Sony, tu sais, eux, ils partagent un peu moins d'infos. Microsoft aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, eux, ils ont sorti des gros canons. Là. Ouais. Mais je suis d'accord, au niveau contenu, là, il y a... Beaucoup de recyclage, en fait. Puis c'est un peu... Tu sais, j'aime Nintendo, puis je vais toujours acheter leurs jeux, puis je suis un gros fan. Puis je pense que Nintendo fait des jeux pour les fans de Nintendo. Mm-hmm. Mais par contre, il y a comme, tu sais, comme, mettons, Mario Tennis sur la Wii. Sur la Wii U, j'ai super hâte de jouer. Mm-hmm. Mais je sais exactement ça va être quoi. Là. On sait qu'est-ce que ça va être. Le Zelda, on sait pas mal qu'est-ce que ça va être. Mm-hmm. Le Metroid, on aurait aimé ça avoir un Metroid quand même assez excitant. Finalement, on a vu ce que c'était, puis je pense que personne se rappelle du trailer, tu sais. Puis on a vu du monde y jouer dans le Treehouse par la suite, puis c'était comme, moi, ouais, c'est du 4 contre 4, du monde qui se pitche des ballons, tu sais. C'était pas très excitant. Yoshi, ça a l'air vraiment le fun. Yoshi Woolly World, par contre, je pense que lui... C'était intéressant de voir aussi l'histoire de la fille qui a fait finalement le design de Yoshi en laine, tu sais, puis qui est un peu partie de tout ça. Puis il y avait des belles histoires de développeurs qui faisaient partie de l'événement. Puis j'aime quand même plus la formule de Nintendo préenregistrée que les conférences. Je trouve que ça, là-dessus, ils l'ont vraiment plus. Le rythme est meilleur, je trouve. Le rythme est meilleur. Ouais, ils peuvent passer ça comme ils veulent, là, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de niaisage, en fait. C'est vraiment, c'est clac, clac, clac, clac, clac, puis... Parce que je le dis souvent, mais Nintendo, ça reste encore la seule compagnie qui se concentre à 100% sur le jeu vidéo. Mm-hmm. Ça fait du bien. Là. Mais cette année, c'était une déception. T'sais, j'essayais de trouver les points positifs aujourd'hui. J'étais comme, non, c'est quand même décevant. J'en veux plus. Puis après ça, j'étais allé voir dans le Treehouse tous les jeux, qui essayaient les jeux puis tout ça. Puis c'était... On était quand même... On a fait le tour. Là. C'est pas mal fait. Mais Animal Crossing là-dedans? Oui. On parlait de ça, là, mais... En fait, ça, là... C'est un beau mix avec Mario Party puis Animal Crossing. Ça nous touche plus, Animal Crossing, mais il y a un marché pour ça. Ah, il y a un gros marché pour ça. Il est où, ce marché-là? C'est les jeunes? C'est les femmes? Moi, ma copine, elle joue. Okay. Et au bureau, tu sais, à un moment donné, j'en parlais avec des ex-collègues, là, qui... Très, très féminin comme jeu. Okay, okay. Fait qu'il y a un public, là... J'ai trois personnes en tête que je vais pas nommer, qui sont complètement fous addicts. Ils ont mis 200 heures là, là-dedans. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui tripe sur là-dessus, puis c'est génial. Mais en même temps, moi, quand je regarde ces jeux-là, même si je suis pas un gros fan de ça, je vois pas d'innovation. C'est ça qui en pas fait c'est ça qui me dérange. Avait été, mettons, c'est ça. Ouais. Splatoon, mais même si on regarde le dernier Donkey Kong Country qui est sorti là, il y a de l'innovation, ils ont amélioré des choses, tu sens que tu es rendu comme c'est un autre step en avant. Le reste, on a l'impression quand même qu'on est encore au même niveau, puis que là, c'est littéralement l'étape du recyclage de faites vos niveaux parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ouais. Fait que tu sais, il y a ça, puis il y a le fait que je dis c'était Amiibo, mais c'était aussi surtout 3DS. Ça m'a donné l'impression que la Wii U était mise de côté, puis que c'était un peu les derniers jeux qu'on allait voir sur Wii U avant de se rendre à la prochaine console. Il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent. Oui, mais il n'est pas... C'est ça l'affaire, c'est que... C'est pas 100% confirmé. Ah non, mais encore, t'sais. Moi, mettons, là, on spécule. Là, non, Zelda est confirmé, c'est sûr. Là. Ils l'ont montré l'année passée au E3. Fait que ils travaillent dessus. Oui, ils travaillent dessus, mais est-ce qu'il nous dit qu'il va être sur la Wii U ou sur la prochaine? Ça, c'est pas, on n'a pas de confirmation encore. En tout cas, mettons, là. Il n'y a pas, de console Nintendo d'une génération qui n'a pas de son propre Zelda. La Wii U en a pas. C'est clair qu'au pire. Ben, la Wii U, il roule Wario. Ouais, mais c'est un bon jeu, mais c'est pas un Zelda de Nintendo. Je suis d'accord. C'est clair. Moi, en tout cas, je suis d'accord, mais la Wii U a de la misère à démarrer. Fait que c'est pour ça que je dis. Moi, j'ai encore mes doutes que ça va arriver sur Wii U. En tout cas, moi, on peut mettre un petit vieux 2 là-dessus. Là. Et on en reparlera au E3 l'année prochaine. Là. Mais moi, je pense que c'est inconcevable que cette génération-là ait pas son Zelda, tu sais, de proprement. Ils vont le faire, c'est sûr. Il faudrait quand même. Ouais, je suis pas mal certain même. Là. Mais ouais, c'est ça. Quelque chose qui m'a surpris, moi, aucune annonce de Call of Duty. Aucun Call of Duty cette année. Il y en a un. À moins que j'ai manqué ça. Ouais, t'as manqué la fin de la conférence de Sony. Je pensais qu'on s'en tirait cette année. Non. Maudit. Le douchebaggery est rendu chez Sony. Les Doritos. C'est Sony qui ont Call of Duty. Là. Ah, c'est quoi? C'est exclusif? Ouais, c'est pas exclusif, c'est eux autres qui l'ont dans leur conférence. Okay. Ah, j'ai manqué ça. Mais c'est annuel, ça. Ils n'ont pas le choix. Je me disais, on l'a sauté cette année, finalement. Ils ont passé une année. Non, je me suis trompé. Bon, non, ça continue. Ça. Le monde peut pas tourner sans Call of Duty. Puis pour revenir à Nintendo, très, très, très, très bon move de mettre un personnage de Nintendo dans Skylanders. Ouais, j'ai vu Bowser dans Skylanders et Donkey Kong. Nice. C'est vraiment cool. C'est spécial. Je suis bien content. Puis en plus de ça, ils ont annoncé cet après-midi que tu peux garder tes données de Amiibo puis tes données de Skylanders, puis tu perdras pas ni l'un ni l'autre. Fait que des pas dans la bonne direction. Je pense qu'il va falloir qu'on close ça, les boys, parce qu'on arrive à la fin du deuxième soundtrack. Ouais. C'est moi qui l'ai fait, puis je le sais qu'on arrive. Mais inquiète-toi pas, depuis tout à l'heure, je regarde le timing descendre. Ah, mais je peux switcher sur le thème final ici, comme ça, voilà. Eh oui. Ah. Bon. Ah, c'est bien. Oui. Fait que c'est la fin. Ouais. Dominique, t'en as-tu perdu des bouts, genre une demi-heure? Ouais, la dernière demi-heure, je te dirais que oui, là, tu sais, mais bon, le E3, c'est pas très rétro, on s'entend. J'avais vu un beau petit jeu, là, dans une compile. Devolver? Non. As-tu regardé Real de Devolver? Oui, je t'ai demandé, c'est magnifique. J'ai regardé ce midi, puis je t'ai écrit que je l'avais vu. Mais comment ça s'appelle? C'est un western, style 8-bit. C'est comme Red Dead Redemption, mais western. Ah oui! En pixel. Oh, oui. Il l'avait, là, dans une vidéo que tu as postée sur notre page. Oh, oui. Fuck, j'ai oublié le nom, c'est déjà sorti en plus. Ça va être de la magnifique. Trix ou une affaire dans même. Non, c'est... Western Dead, Weather. Ah, je fucking oublié. C'est pas genre. Non. Je l'ai regardé après-midi en plus, j'ai complètement oublié. Demandez à Ellie s'il est encore dans le chat, s'il est pas mort de fatigue, il va le savoir. Avec la toune, c'est parfait. C'est ça. Fait que. Ouais.